Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Ça y est, nous y sommes, avec un petit peu de retard malheureusement, mais nous sommes, enfin malheureusement non, heureusement, puisqu'on est là quand même, un peu en retard, dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs, évidemment, donc de 20h à 22h30. Une émission ce soir avec un invité qu'on va recevoir d'ici quelques instants, qui est Alain Le Chanteur, pour nous présenter donc son dernier album qui s'intitule Hauts de France, si je ne dis pas de bêtises, les Hauts de France. Le soleil des Hauts-de-France, me dit-il. Alors, avant de pouvoir faire connaissance plus amplement d'Alain, enfin que vous connaissez puisqu'on l'avait déjà reçu il y a quelques années, on va faire un petit tour de table pour saluer un peu toute l'équipe de 80 à l'heure qui est, tiens, ma foi complète ce soir. Pour une fois. Eh oui, mais oui, nous sommes avec notre ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors Sherlock qui attrape des petites suées parce qu'effectivement au niveau technique c'est un peu galère. Une horreur. Mes clés sont pas reconnues par la tablette, donc moi qui avais prévu des chansons ou même le film des années 80, je sais même pas comment je vais faire. Hein. Ah, mais il va falloir que tu le fasses, hein, ce sera pas, t'as pas le choix. Tu vas nous faire la la la la la. Je vais vous le faire à la bouche, quoi. C'est oui, c'est ça, ouais, bah ouais, mais ça serait bien, c'est bien. Mais on est bien d'accord, c'est ta chronique que tu vas nous faire à la bouche. Hein. C'est ça, ouais. On préfère d'ailleurs que tu la fasses avec ta bouche, parce que les arrangements. Bon, on va essayer de s'adapter, évidemment. Alors, on s'excuse auprès de nos auditeurs et auditrices, évidemment. On en a encore pour une semaine ou deux, grand maximum, le temps de pouvoir changer. Donc la table qui est en cours de réparation. Voilà. Donc en parlant de cours de réparation, nous sommes aussi également avec Canon. Bonsoir la France, bonsoir la Belgique, bonsoir le monde. Hein. J'espère que vous allez bien. Bah, écoute, ça va bien et toi? Oui, ça va. Forte actualité. Oui, je fais pas mal de choses ces derniers temps, mais bon. Ouais, vous t'as poussé la chansonnette il y a pas longtemps? J'ai poussé la chansonnette deux fois. Laisse-moi t'aimer. Et donc ouais absolument. Ouais, you raise me up. Chanter aux têtes de Bruegel, c'était un succès. C'est pas nombriliste, hein, mais c'était un succès. Ça a vraiment cartonné. Ouais, j'en ai entendu parler. J'ai eu des retours et c'était vachement bien. C'est ce qui m'a fait plaisir. C'est pas de l'ego, c'est vraiment les spectateurs et plein de gens que je ne connaissais pas qui étaient venus et qui connaissent très bien, et vous le connaissez, c'est Fabricio Zeva, oui. Qui chante régulièrement Table de Bruegel, qui est un super chanteur, un ami perso en plus. Et en plus, il est beau ce con. Il est beau ce con, lui. Ouais, lui aussi, comme moi. Ah bon, alors la voix que vous entendez, je parlerai de moi plus tard. Là, non, pour terminer, non, ça s'est très très bien passé. Il m'avait convié à aller là parce que lui-même avait un show et voilà, c'était super. C'est à refaire et ça sera refait. Mais la prochaine fois, mon ami, oui, arrange-toi pour que ça ne se fasse pas le mardi. Alors, je vais te dire, mon ami, c'est la Saint-Valentin, donc c'est pas le mardi. C'est important, c'était le 14. Excuse-moi de te déranger, monsieur. Bah, excuse-moi. Fais en sorte que le 14 ne soit pas. Moi, j'ai fêté la Saint-Valentin le 12. Le 12, à un endroit aussi très sympa, le petit Courtrai. Et tu y étais aussi. Donc voilà, et on peut décaler. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est un mardi, je dis ça parce qu'on aurait aimé venir te voir. Voilà. Ah, bah oui, mais bon, il fallait. Et oui, voilà. Est-ce que tu as prévu un petit truc ce soir, Canon? Absolument pas. Comme on a un invité, je questionne et triture l'invité. C'est beaucoup plus sympa. Bah c'est super, voilà. C'est super. Je vais passer à ma gauche. Ah, tu voulais le faire. Non, fais-le, mais non, tu fais introduire Onissa, mais comme elle est plus proche, je l'introduirai beaucoup mieux. Je n'introduirai pas Onissa. Voilà, nous avons la belle, la sulfureuse avec sa voix. Attention, accrochez-vous. Hello, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, je fonds à chaque fois quand j'entends Onissa. On dit ça, on dirait qu'elle termine de faire l'humour. Ouais, c'est ça. Non, je commence. Ah. Juste c'est avant l'émission. Quand j'ai fini. Pour elle, 80 à l'heure, ce sont les prémices, tu vois. Ah, mais la semaine passée, j'ai fait quand même le début des 80 à l'heure avec deux beaux Valentins. Merci. C'est vrai, nous étions trois et c'était un vrai plaisir. Eh oui. C'était un vrai plaisir. Court, mais bien. Ah, comment tu parles de Sherlock, ça c'est vache. Alors, nous sommes également avec notre ami Flipcat. Et oui, bonsoir. Bonsoir à nos amis auditeurs et à nos amis auditeuses. Auditrice, comment tu parles, toi, auditeuse? Je me demande si t'allais relever. Allez, non, nos amis auditeurs. C'est pas tous nos amis non plus. Non, c'est vrai. C'est moi, je vais devoir me battre. Alors, les gens qui m'entendent de loin, je vais me faire engueuler. Mais ah oui. Mais non, mais t'inquiète, on va partager le micro. Flip 4, tu nous as prévu une petite chronique. Si tout se passe bien, pour l'instant, c'est pas gagné. Alors, c'est pas gagné parce qu'effectivement, tout le monde. Ah, si. Pour Flip 4, ça va aller. Pour moi, ouais, bon, bah, nickel. Alors, bon, bah, écoute, ça marche. Apparemment, c'était ce qui était prévu mardi dernier, puisque en principe, j'avais prévu de parler de Dire Straits. Ah bah bien, ça va voilà. Bien, ça fera certainement plaisir à notre invité qui est avec nous ce soir, évidemment, Alain, le chanteur. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, hein. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici chez RQC en Belgique en plus, moi, le ch'ti, le vrai, donc voilà. Le ch'ti de où déjà, rappelle-nous de où tu es. J'habite à un petit village à côté d'Arras qui s'appelle Camblin-l'Abbé. C'est sur t'as raison de dire kilomètres d'Arras. T'as raison voilà. De dire que c'est à côté d'Arras. Alors Alain qui a une belle actualité et qui tourne depuis longtemps d'ailleurs. On l'avait reçu à l'époque avec un album précédent. Rappelle-moi le titre parce qu'il est très loin l'album. Mais, alors il y en a plusieurs puisque ça c'est mon cinquième. Hein, c'est mon cinquième album. Le précédent, oui, c'est Les Petits Bonheurs en Chanson. Moi-même je m'en rappelais plus du titre. Tu vois. D'accord. et donc ça c'est la période où je suis revenu donc à la chanson de variété, à la chanson populaire, mais pendant des années j'ai fait de la pop rock française sous l'appellation Alain Val, donc voilà, j'ai tourné un petit peu partout en France et j'ai aussi tourné la page de la pop rock française et je suis revenu plus à la chanson populaire et à la chanson des Hauts-de-France. Mais c'est pour ça que tu m'as repris aujourd'hui en me disant attention, c'est pas Alain Val, c'est Alain le chanteur. Oui, tout à fait, tout d'accord. À fait, parce qu'en fait, quand on change comme ça d'environnement radicalement, eh bien bon, on change aussi d'appellation parce qu'après il y a un flou dans l'image, quoi. Ouais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tu nous présentes donc ton dernier album qui s'appelle Soleil des Hauts-de-France. Tout à fait. Donc c'est un petit EP où il y a 4 titres. C'est un 4 titres parce que en fait aujourd'hui on sait que le disque ça marche plus. Hein, ouais. Ou moins bien. Vraiment moins bien parce que effectivement quand on voit par exemple un chanteur comme Renaud qui sort le plus de disques en France et on n'arrive plus à passer le million d'albums vendus. Ouais. On est à 700 000 pour Renaud qui a vraiment cartonné avec son album. Et bien tout ça c'est en déclinaison, dans la chaîne. Et puis pour les artistes à notoriété plus confidentielle comme moi par exemple, ouais. Et bien tout ça, ça se répercute. Et aujourd'hui effectivement par rapport il y a encore 4 ou 5 ans, on a du mal maintenant à vendre des albums en nombre. Donc c'est pour ça que là j'ai fait un petit 4 titres qui résume vraiment bien l'état d'esprit des gens qui vivent dans notre région. Voilà. Des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. Et puis moi je déborde toujours sur la Belgique hein, parce que c'est pas parce que je suis un petit peu faillot ce soir, et parce que je suis en Belgique, c'est parce que effectivement dans le nord de la France j'ai remarqué en me baladant aussi bien en Belgique qu'en France, parce que j'ai beaucoup tourné en Belgique aussi, et bien qu'il y a le même état d'esprit, l'état d'esprit de la fête, l'état d'esprit de la convivialité. Donc par rapport à tout ça, quand je dis les Hauts-de-France, moi j'associe la Belgique aussi avec. Et t'as eu de la chance parce qu'on en parlait hors antenne, hein, mais donc cet album est sorti au mois de décembre. Tout à fait. Si tu l'avais appelé Le Soleil du Nord-Pas-de-Calais, t'étais mal. Ah ben oui, parce que effectivement, la région Hauts-de-France, eh bien c'est la synthèse de la région Nord. Pas-de-Calais et Picardie. Ouais. Hein, donc c'est trois régions qui se sont rassemblées en 5 départements. Hein, je les rappelle, c'est le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et l'Oise. Ces 5 départements font maintenant la région Hauts-de-France. Et voilà, c'est l'appellation qui a été donnée à cette région. Alors on a eu un petit peu de mal au début parce qu'on pensait que la région allait s'appeler Nord-Pas-de-Calais Picardie. Et finalement, maintenant, c'est bien passé dans les mœurs, on va ouais, dire. Ouais, ouais. Et Hauts-de-France, je trouve que c'est pas mal quand même. Ouais, sauf qu'on nous appelle les autistes, mais bon. Ouais, si c'est pas les hautains, juste, ouais. Juste raison. Parce qu'il y a quand même le Pas-de-Calais qui est en Kier en jeune heure. Ouais, ça c'est fait. On pourrait nous appeler les hautains aussi. Enfin, les hautains. Dire, les hautains, oui. Ouais, ouais, ça vaut mieux que les consanguins, non. Et blague à part, Alain, c'est vrai. Les hautes formes aussi. Ceux qui sont des Hauts-de-France, on les appelle comment? Ah ça j'en sais rien. Et parce que c'est une bonne question. Est-ce que les gens du Nord on les appelait les Nordistes Les habitants de Hauts-de-France. Aujourd'hui je sais pas s'il y a une appellation bien précise par rapport aux gens des Hauts-de-France quoi. Non, c'est une bonne question. Les Hauts-Français, très bonne question. Non mais les Hauts c'est substantif en plus, donc les quoi, les Hautains de France, les Hauteurs. Voilà. C'est pas possible. C'est quand même une question qui a son intérêt. Et ben écoute, voilà. Alain, moi ce que je te propose c'est que on va se faire une petite coupure musicale, on va te découvrir, on va te triturer comme aime dire notre ami Canon pour en savoir un peu plus sur ton actualité d'aujourd'hui et bien sûr parler donc de cet album Soleil des Hauts-de-France. On va faire une petite coupure musicale, Sherlock. Ouais, dès que j'aurai trouvé. Sherlock, il panique. Ah, mais dingue. Et oui, on l'a introduit. Il m'a introduit. Moi, je l'introduis pas. Je le sens encore. Ah, ce soir. Bah, oui. Mais tout à l'heure, je l'ai introduit. Mais si, tout à l'heure, je lui disais qu'il allait avoir des suées à cause de la table. C'est ça, exact. Voilà, voilà. C'est ce qui se passe. D'accord. Non. Mais c'est vrai qu'au passage, ouvrons une parenthèse, nous remercions ou nous ne remercions pas Sherlock, puisqu'il n'était pas là la semaine dernière. Et on était dans une merde totale. Tu peux pas t'imaginer à tel point qu'on a dû annuler l'émission. On a acheté l'éponge, d'ailleurs. On a acheté l'éponge, oui. Carrément. On a eu beau faire ce qu'on voulait. Je pense qu'on a eu des problèmes avec la technique. Pas de retour, rien du tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, en fait, ils notent ça parce qu'ils ont... Ils ont peur de faire l'émission. Et, On a vraiment essayé. On était chaud à fond. Onissa était en maillot de bain. Deux pour le prix d'un. Waouh. Alors, qu'est-ce que t'as prévu comme coupure musicale? Alors, quelqu'un qui nous a quitté la semaine dernière. Johnny Hallyday, ça y est? Non. Ah, toujours pas. Al Jarreau. Ah oui, c'est vrai. Al Jarreau. Alors, avec le titre Boogie Down. C'était un bon parfum. Alors, ça me parle moins, mais... Je suis sûr que tu vas reconnaître quand ça va passer. Et ensuite, un petit Rick Astley avec Never Gonna Give You Up. Voilà, qui revient, lui, par contre. Il revient où? Ici? Il revient sur scène, bien sûr. Rick Astley revient sur scène. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il revient en Europe, mais en tout cas, il a relancé un nouvel album. 7500 euros les 30 minutes. C'est ça. Ça m'étonnerait. Il a la même rémunération qu'un animateur radio? Non. Allez, c'est parti. Allez. I can be what I want to. Bonjour, c'est les frères Taloche. Ça, j'aurais pu le dire aussi. Et nous sommes avec Harry. Mais sur RQC 95 FM. Tu l'as mal dit. Non, sur RQC 95 FM. On peut pas dire 95. Ah, tu vois, 95. Bah, redis-le alors. Salut, c'est Bruno Taloche avec Harry sur RQC 95 FM. Oh, tu fais bien. Allez, au revoir. À bientôt. Alors 80 à l'heure avec un jingle des frères Taloche. Alors évidemment moi je suis toujours un peu gêné parce que c'est un jingle, je crois que c'est l'un des premiers, c'est même le premier qui a été fait de l'émission, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de 11 ans dans lequel donc à l'époque j'étais avec Flex, c'était Flex et Harry, je sais pas si Alain avait connu Flex. Je suis venu ouais absolument, t'avais connu Flex et donc fait. Sherlock a coupé Flex et donc ça fait avec Harry sur RQC. Il va falloir qu'on change tout ça parce qu'évidemment maintenant on est Il faut redemander aux frères Taloche de nous faire un single hein. Et ben on va pouvoir leur demander sans problème puisqu'effectivement ils seront bientôt parmi nous au centre Marius Taquet puisqu'ils vont venir présenter donc leur pièce de théâtre Le Cave. Donc évidemment ça faudra pas le louper, j'ai pas la date en tête mais c'est bientôt, je crois que c'est au mois de mars si je ne dis pas de bêtises, donc dépêchez-vous. Le Cave, il paraît que ça a marché du feu de Dieu sur Paris, donc forcément comme c'est des gars du cru en Belgique à mon avis ça risque de très très bien marcher. On a aussi un gars du cru mais de notre cru à nous puisque évidemment on est du Nord, enfin les trois quarts, hein, peut-être moi, aussi. Tout le monde est du Nord. Voilà, oui. Ah bah voilà, bah voilà. Alors du Nord de la France, je précise bien, on est tous des chetemis, comme dirait Flipkat. Ouais. Eh bien on est avec un chetemis fort sympathique, on est avec Alain le chanteur, qui nous présente donc un album qui s'appelle Le Soleil des Hauts-de-France. Tout à fait, voilà. Soleil des Hauts-de-France, oui. Alors, un album qui fait la part belle, évidemment, à la région des Hauts-de-France. Bien sûr. Mais il faut que tu nous expliques un peu, parce que, alors, il y a quatre titres, hein, c'est un EP, il y a Le Soleil des Hauts-de-France, Je monte dans le Nord, Coron, je le suis, À la Ducasse, où ça, c'est vraiment une empreinte du Nord. Effectivement, je le disais tout à l'heure, quatre titres qui symbolisent notre région. Alors, ce que j'ai voulu à travers ce nouvel opus, on va dire, eh bien, c'est montrer qu'il y a un intérêt à venir dans Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et je vais ajouter Belgique ce soir puisqu'on est chez RQC. Oui. Parce que on a une région où il y a une diversité de paysages. Hein, ça, c'est une chose déjà. Et puis aussi, on a une convivialité des gens qui est énorme. Donc, c'est vrai. Par rapport à tout ça, et le mec qui a très bien parlé de ça et qui a bien fait la promotion, je trouve que c'est un des premiers qui a bien fait la promotion de notre région, bien c'est Danny Boone avec son film Bienvenue chez les Ch'tis qui a fait le tour de France, voire le tour d'Europe. C'est vrai. Et il a la phrase qui était quand même phare de oui, je vois quand ce que on tu arrive veux dire, ouais. Dans le Nord, on pleure deux fois, une fois quand on arrive et une fois quand on part. Et c'est une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Et aujourd'hui, c'est un petit peu tout ça que je raconte dans cet album Soleil des Hauts-de-France. Alors, il faut rappeler que tu es compositeur, auteur-compositeur. Voilà, auteur, donc... ACI, on appelle ça, c'est auteur-compositeur-interprète. Oh, attention. Alors, sur ce CD, eh bien, j'ai travaillé, parce que moi j'aime bien travailler avec des gens, j'aime pas travailler tout seul, hein, parce qu'on dit toujours qu'il y a plus de choses dans plusieurs têtes que dans une tête, et puis chacun a sa spécialité. Alors, en l'occurrence, ça, sur cet album Soleil des Hauts-de-France, c'est un album que j'ai réalisé intégralement, donc y compris l'enregistrement, avec mon ami Jérôme Gosselin. Jérôme Gosselin qui devait être avec nous ce qui soir. Qui devait être avec nous ce soir, mais bon, qui a un petit imprévu et qui n'a pas pu venir. Donc il n'avait pas de lumière à son vélo pour venir me rejoindre. Voilà, je vais tout dire. D'accord. Et donc en fait, Jérôme est ingénieur du son, il est auteur, il est compositeur, et il a son propre studio d'enregistrement qui s'appelle Au Studio de chez moi. Hein, voilà, c'est un petit coucou parce qu'il fait tout à la maison avec une technicité, parce que ça fait, c'est un gars qui travaille depuis 25 ans dans le son, hein, il a travaillé avec différents ingénieurs du son dans des studios, il a travaillé pour de la post-prod, etc. donc c'est quelqu'un qui est très très pointu. D'abord il a un petit Facebook, si vous voulez vous rendre compte, ça c'est, il y a Au Studio de chez moi, mais son appellation sur Facebook c'est Trop Logique la magie du son, voilà. Et donc j'ai travaillé avec Jérôme, c'est lui. Bien sûr, Trop Logique, la magie du son, c'est lui, c'est sur lui, Facebook. Parce que j'ai eu une demande aussi, Trop Logique, la magie du son, mais je me suis dit, mais qui c'est ben voilà, je vais accepter du coup. Ben voilà. D'accord, ok, d'accord. Moi, je vais virer. et donc là actuellement, bon, il travaille avec moi, on travaille sur un autre projet dont on en dira un petit mot tout à l'heure. Bien sûr, mais hein. Il travaille aussi, il est en train de réaliser réalisé un album avec une fille du Sud qui s'appelle Cécile Broglie, pardon. Et ils ont monté un groupe ensemble qui s'appelle Euphoria. Et ils sont en train de faire un superbe album qui sortira très prochainement. Alors, country, rock, des mélanges comme ça, petit peu, c'est très, très original. Aux antipodes, quand même, du soleil des Hauts-de-France. Tout à fait, mais vous allez voir au niveau du soleil des Hauts-de-France, des fois on peut s'attendre à voir de la musique flonflon, mais vous verrez que le soleil des Hauts-de-France, je pense que c'est le premier titre qu'on va écouter, et bien, et sur un thème reggae, parce que là j'ai enfoncé le clou avec la musique du soleil, voilà, parce que c'est vrai que de l'extérieur on peut dire soleil et Hauts-de-France, ça peut faire rire. On va dire c'est antinomique. mais quand on regarde par exemple chez Météo France les taux de précipitation en Hauts-de-France, on n'est pas les premiers, on arrive en 3e ou 4e position. Il y a des régions qui sont devant nous, comme le Pays Basque, comme la Bretagne, il y a plus de précipitations que dans les Hauts-de-France. En Bretagne, c'est pas de l'eau. C'est pas que de l'eau qui coule. Si tu dis ça à un Breton, dis que chez les Bretons, il pleut que sur les cons. moi, j'ai jamais été mouillé. Il faut savoir qu'à Bordeaux, il pleut autant qu'à Lille, mais pas. Enfin, à Lille, c'est toute l'année, quoi, on va dire. Sur Bordeaux, c'est tout en même temps. Absolument. Voilà. Et vous êtes au courant quand même que la semaine prochaine, il fera 35 degrés dans les Hauts-de-France. Cumulé. Oui, lundi 5, mardi 5, mercredi 5. C'est ça. Non, il faut savoir qu'en Bretagne, le problème, c'est que à Brest, il pleut à peu près 3000 fois plus qu'ailleurs. Le problème, c'est qu'en proportion, ce qui fait qu'en Bretagne, il pleut beaucoup. Mais en fait, c'est faux. Il fait très beau. Bien sûr. C'est très sympa, la Bretagne. Et la Bretagne, plus si on parle de la Bretagne, parce que c'est une région que j'adore, plus on descend, là, si on descend sur, par exemple, la Bretagne Sud, comme... Perpignan. Le golfe du Morbihan, Trinité-sur-Mer, l'Armor-Baden, Vannes, Auray, région magnifique. Et là, en plein mois d'avril, moi, j'y vais régulièrement au mois d'avril et on mange dehors. On se les gèle, mais on mange dehors. Avec le ciré, les bonnes. Comme ça, ça fait bien. Pour le selfie, ça fait bien. Moi, j'avais une question pour toi. C'est comment t'es passé quand même de chanteur rock à passer, parce qu'on l'a évoqué, mais pas pourquoi t'as pris ce virage, en fait. Moi, j'ai entendu tout à l'heure. Mais... Le rock, ça a toujours été mon trip. Alors, il faut savoir que ça fait à peu près 25 ans que je fais de la musique, et j'ai commencé à faire du baloche. À l'époque, je faisais du bal, donc je faisais de la variété. Et comment je suis passé? Je suis pas passé, parce que j'ai toujours écouté de la variété, j'ai toujours écouté du rock. C'est vrai qu'en termes de musique, j'écoute beaucoup de choses, de la musique classique en passant par la variété, en passant par le rock, la pop, etc. J'écoute énormément de choses, il y a énormément de choses qui m'intéressent en termes musicaux. Et donc pour moi, ça n'a pas été difficile de passer de l'un à l'autre, sachant qu'il y a un truc qui est aussi réellement important, c'est que je suis très très attaché aux valeurs de la région Nord-Pas-de-Calais. Oui, d'accord, donc c'était aussi par vocation presque. D'accord. Eh bien écoute, Alain, moi ce que je te propose, c'est qu'on écoute déjà un premier titre de l'EP, Le Soleil des Hauts-de-France. Alors, Le Soleil des Hauts-de-France, Soleil des Hauts-de-France. Oui. Allez, on va découvrir ça. Tout à fait. Charlotte, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, attends, faut juste que je retrouve. c'est juste qu'il y a des boutons appuyés et là ça va plus. Que toi la semaine passée. Ah, hein. carrément. Oui. Alors j'ai une petite annonce pendant que tu te prépares. Donc recherchons régisseur son. Disponible mardi soir de 20h à 22h30. Non, c'est parti. Écoute, on va s'écouter ça et on reviendra avec Tracy Chapman et Talking About a Revolution. Qu'est-ce que t'en dis? Moi ça me va très bien. Très bien alors. Eh ben on est parti là. Il faut lui dire non. Non, alors ça a chié vraiment ton programme. Non, tu déconnes du coup. Bon, allez, c'est parti. Moi, pendant toute l'année, je mets un peu d'argent de côté pour les vacances d'été que je passe dans le Nord-Pas-de-Calais. Soleil du Nord-Pas-de-Calais, tu nous fais passer un peu de thune. La chaleur nous apporte la gaieté. Soleil du Nord-Pas-de-Calais, tu nous fais passer un bel été. Soleil du Nord-Pas-de-Calais, je ne peux vraiment pas t'oublier. Si je ne te vois pas, c'est que tu es caché.

fêter, tu vous rends heureux. C'est toujours la fête et c'est tant mieux. Je monte au nord, je monte au nord. Chez les ch'timis, c'est si chaleureux. Je monte au nord, je monte au nord. Chez les ch'timis, là c'est contagieux. Eh bien oui, c'était Alain le chanteur avec Je monte dans le Nord. Le Nord. Dans le Nord. C'est le Nord. Voilà, tout à fait. Alors là, on est complètement dans l'état d'esprit de notre région, parce que là, vous avez bien compris, avec Je monte dans le Nord, c'est l'état d'esprit des fanfares, les fanfares de rue, le carnaval aussi. Absolument. On est en plein en carnaval de Dunkerque actuellement. Et c'est ça que j'ai voulu faire transpirer avec cette chanson, Je monte dans le Nord. Encore une fois, c'est une incitation pour les gens qui habitent d'autres régions de France et Belgique aussi, à venir nous rencontrer dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, parce qu'encore une fois, il y a de jolies choses à voir. Il y a des beaux estaminets, des bonnes bières, etc. Des belles, etc. Femmes. Des belles femmes, oui, tout à fait. Il ouais. faut le dire. Voilà. Eh bah... si, faut le dire. Et la bonne cuisine aussi. Et de la bonne cuisine. Ouais, et, de la ouais, bonne ouais, cuisine et, voilà. Et des super paysages. Alors, on a la montagne. On a la montagne avec Nolémine. On peut faire du, on peut faire du ski là-bas. Hein, c'est vrai. La piste synthétique. La plus grande piste d'Europe synthétique qui fait 320 mètres. Donc, on a la montagne. On a la mer avec toute notre belle côte d'Opale, bien sûr. Et puis après, il y a tous les secteurs de campagne. Les secteurs voilà c'est donc on a vraiment ouais. on a vraiment on a rue de l'Alma Roubaix oui l'Alma Roubaix ah, ça vaut le détour voilà on a vraiment une la belle région cabine, quoi, donc je en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est une incitation à venir nous rencontrer à venir nous dire bonjour et à manger une petite frite aussi à la baraque à frites alors dis-moi ouais, une fricadelle que... voilà une fricadelle une fricadelle ah, ouais. Je voudrais une frite, Adèle. Ouais. Un de ses nains qui a. Elle dedans, a du fric, mais... Adèle. Hein. Ouais. Hein pas qu'elle est morte, mais. Oui, mais Adèle. D'accord. Ouais. Et attention, je te préviens, Flipkat, parce qu'à chaque blague, oui, je sais. Tu payes une tournée. Ah, non. J'ai pas tu ce soir. Tu la cites, Adèle. Non, c'est clair. Tu la cites, Adèle. Je l'ai. Oui. Ah oui. Canon, c'est pareil, tu payes une tournée. Il a les genoux, les garçons. Bon, mais justement, alors, effectivement, là, c'est vraiment une. On va dire que c'est une ode. À la région des Hauts-de-France, ça t'arrive d'aller chanter justement dans le sud pour aller chanter ces chansons-là. Alors, c'est voilà. pas le sud, hein, alors, c'est alors le ça, sud. Ça m'est arrivé dernièrement d'aller faire un gala en Savoie, hein, ouais. à côté du lac d'Annecy, donc sur le tour du lac d'Annecy, à Doussard notamment. Et c'était la Ducasse là-bas, on n'appelle pas ça la Ducasse hein, là-bas, forcément on appelle ça la Vogue, la fête communale. Ouais. Et d'aller chanter effectivement des chansons du Nord, entre autres, hein, parce que je fais aussi de la variété, de la chanson festive aussi dans mes tours de chant. Et donc ben les gens quand ils entendent de la chanson du Nord, et ben on interpelle quelque part. Et ben voilà quoi. Après j'explique un petit peu ce qui se passe dans les chansons hein, parce que j'interprète souvent aussi des chansons et j'aime les interpréter aussi parce que lui rendre hommage à Edmond Montagnier hein, qui est un oui. chanteur du bassin minier. Donc je chante quelques chansons d'Edmond Montagnier comme les tomates, une goutte de jus, ouais. Tout un haut de chéri. C'est tout lui ça, qui voilà. chantait c'est bien, bah, les Menettes Quevo. Les Menettes Quevo, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ça, donc, ouais j'ai bah, connu. Excuse-moi, ouais. je. ouais, alors attention, Alain il tripote Onissa là. Oh, la montagne, non. C'est donc... à goutte de jupe. Hermont de jupe. C'est vrai, c'est pas. Ouais, c'est pas Hermont de jupe, hein, c'est ouais, une goutte de jupe, on a dit. Pour tout dire, on a un micro pour deux. Et donc, je dirais même voilà, plus, une goutte de jute. Chachez mi et chachez mon doigt. Hein, c'est pas une goutte de jupe. C'est vrai que les gens ne sont pas indifférents aux chansons du Nord. Et il y a un truc aussi, il faut savoir qu'il y a énormément de ch'timis qui sont répartis sur tout l'Hexagone. Exactement, voilà. Bien sûr. Et il y a aussi beaucoup d'associations. Un peu partout en France, il y a des associations de ch'tis oui. Qui sont présentes un peu partout. Et il est rare, quand je vais dans une autre région notre région, bah, que je rencontre pas quelques personnes comme ça qui sont de notre région. Alors quand c'est comme ça, c'est des belles rencontres, parce que des gens qui sont un petit peu expatriés ailleurs, quand ils voient un ch'ti arriver chez eux, c'est ça fait plaisir. Mais tu as tout à fait raison, parce que moi ça me fait rappeler que quand j'étais jeune, j'allais dans le Gard. Il y a longtemps. J'allais dans le Gard et il y avait le club des aînés du Nord. Et c'était tous les gens du Nord qui s'étaient installés dans la région du Gard. Et ce genre de choses, je me rappelle avoir assisté à des galas, effectivement, avec deux gens qui chantaient essentiellement des chansons du Nord. Tout à fait. Et donc ça s'est prévu peut-être de faire une tournée. Alors justement, là je suis en contact avec différentes associations, notamment une association Pau, une association Ch'ti de Pau. Et comme j'ai, pour tout dire, Ch'ti de Pau de chambre. Et pour tout dire, j'ai mon beau-fils qui reste à Pau, donc j'ai dans l'idée d'aller faire un petit gala là-bas. On va essayer de mettre ça en place parce que c'est une scène sur le château d'Henri IV. Voilà, ce serait pas mal. Ça serait génial. Ça serait génial. Bon, je vais essayer de pas me faire flinguer parce que Henri IV, c'est Ravaillac. Bon, Ravaillac n'est pas. Ah oh là là, mon Dieu. Oh, attention. Oh là, attention à la culture. La culture. Non, non, mais je suis. Voilà. Alors, Alain, effectivement, donc on a ton album sous les yeux. Alors, est-ce que les albums précédents, on peut encore se les procurer ou pas ? Bien sûr, moi, de toute façon, on peut tous procurer sur mon site, www.alainchanteur, c'est tout simple, c'est alainchanteur.com. Donc, il y a un panier et tout, pour commander, etc. Bien sûr, on peut se procurer tous mes albums sur mon site alainchanteur.com. D'accord. Alors, avant de continuer de parler de ton album, donc Soleil des Hauts-de-France, parlons aussi d'autre chose, parce que ça n'est qu'une corde à ton arc, puisque tu fais plein de choses, tu fais aussi des présentations, des animations. Parle-nous-en. Oui, je fais de la présentation d'événements, de l'animation, de la présentation d'événements, alors des événements en tout genre, à partir du moment où une collectivité, une association a un événement à présenter, de type par exemple forum d'association. Là j'ai fait par exemple un forum santé de la Madeleine, qui est pas très loin d'ici, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les capacités de chanteur, mais à partir du moment où il y a un événement à présenter. En fait, il faut savoir que je suis de formation présentateur. J'ai été le présentateur d'événements d'une banque avec un écureuil pendant des années. Moi, je la citerai pas, mais voilà. Je travaillais au service communication externe, donc avec camion podium. Gros voleurs. J'ai fait l'enduro des sables du Touquet, des choses comme ça. Voilà, des grosses présentations avec cet établissement, qui a été cité par Canon. Je fais ça depuis très très longtemps. Et donc, effectivement, je fais aussi de la présentation de spectacles. J'ai présenté des dance floors, notamment avec Magic System à une période, etc. Et c'est pour ça que, effectivement, avec mon métier, à côté de mon métier de chanteur, je suis aussi présentateur d'événements, donc il faut le savoir. Écoute, on en reparlera. Alors, on a une surprise dans le studio, mais on va pas vous la présenter tout de suite, parce qu'évidemment, alors je savais même pas qu'ils se connaissaient, mais d'habitude, je le vois avec Charlie, mais là, il est pas avec Charlie, il est tout seul. Tu savais qu'il venait, mais on va garder le mystère, on va cultiver le mystère juste le temps de se faire une petite coupure musicale, parce qu'on a un deuxième invité. On lui avait promis depuis longtemps de venir nous rejoindre. Effectivement, on s'est croisé plusieurs fois. On s'est dit ouais, on va se prendre rendez-vous. On l'a pas fait. Il est là. Ouais. Et ce sera le moment où jamais de se prendre. C'est un super pote à moi. Qui n'est pas pote avec ce personnage, je me le demande. Mais vous allez le découvrir d'ici quelques instants. Le temps de se faire une petite coupure musicale, Sherlock. Oui. Alors avec David Bowie et China Girl. Ouais. Et ensuite, on reviendra avec Elton John et I'm Still Standing. Ah bah ouais, bah allez, allons-y. Super. Allez, bah c'est parti. Thunder, soul of the stars. soon I look at my China girl. I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. I'm still standing. Alors pour les amis de RQC et particulièrement pour les amis de 80 à l'heure, je vous dis bonjour, je vous aime, restez sur cette chaîne, c'est génial! À la clinique Les Épinards, à l'heure où le soleil décline, Thérèse tient sur sa poitrine son nouveau-né, son doux tétard. Alléluia! Eh ben écoute, notre ami Corbier nous manque un peu, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans la région. C'est vrai. Il tourne pas mal. Ouais, quand même, ouais, mais c'est vrai que cette année, l'année dernière. Si on l'a pas vu dans la région et qu'il tourne, ça, il va revenir. Ah oui, il va revenir, j'espère bien. J'espère qu'il va revenir. Effectivement. Mais il vient de sortir un livre, en fait, sur toutes ses dernières histoires qui est merveilleux. Je vous invite à l'acheter parce qu'il est extra, son livre. Il raconte toutes ces petites séquences et des choses comme ça. C'est très marrant. J'adore, c'est quand même un invité qu'on n'a pas présenté ce matin. Ouais. Justement, on va le faire. Je suis un bavard, moi, en plus. Alors, vous avez reconnu la Black Fleet Cat. Donc, il a un problème. Alors non, on va présenter quand même. On va présenter. Je vais même faire mieux puisque Alain le connaît très bien. Je vais lui demander de nous présenter justement cet invité mystère. Et tout à fait. En fait, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit présent ici parce que c'est un personnage que effectivement je connais bien parce qu'on a fait du spectacle ensemble sur des plateaux. Il est fantaisiste, il est ventriloque, il est humoriste. Enfin, c'est un tout petit bonhomme. Mais il est très grand par le talent et voilà, on est content. Il est sculpteur aussi. On est content. C'est vrai. Oui, il est sculpteur, oui, tout à fait. Il est ventriloque, c'est excellent ça. Et on est content d'accueillir Jean-Michel Leleu, Jean-Mimi pour les intimes ici à RQC. Bonjour Jean-Mimi. Bonsoir tout le monde, j'étais de passage, j'ai vu de la lumière, j'ai entendu du bruit, j'ai entendu qu'on chantait le Nord et moi le Nord ça me parle, voilà. Bonsoir à tous et très heureux d'être là. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. J'ai eu l'occasion, alors je ne vais pas dire de partager une scène avec toi, parce que ce serait mentir, mais de te présenter il y a quelques mois sur Waterloo. Oui. Et effectivement, alors il est pluridisciplinaire, hein, c'est à la fois chansonnier, oui, voilà, oui. Ventriloque, alors j'aime bien le petit Charlie, qui est fort sympathique, que tu n'as pas amené ce soir. Je ne l'ai pas amené parce que en fait, j'ai été sur Valenciennes cet après-midi, j'ai fait un banquet, j'ai animé un banquet, il est crevé. Ouais. Et je suis obligé de respecter pour un enfant un certain horaire pour dormir le soir. Autrement, j'ai des problèmes avec l'administration. Donc, il est là, mais je vous promets que je viendrai un jour avec lui. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui. Mais c'est prévu depuis longtemps. On s'était croisés plusieurs fois. Ouais. Et on s'était dit, mais Jean-Mi, tu vas passer à la radio. Tu t'as même rencontré Canon. Comme si c'était le plus gros truc terrible qui puisse arriver. T'as même rencontré Canon. Non, dans le sens où on n'a même pas pris rendez-vous avec Jean-Mi. Ah non, mais moi Jean-Mi, je l'ai rencontré de manière professionnelle qui n'avait rien à voir dans le cadre de l'immobilier en tant que client. Ah oui, c'est vrai. On s'est rencontré comme ça. Voilà. Et donc, depuis, il connaît mieux la maison que moi, je la connais. C'est vrai. La cité de long en large. Ah, c'est vrai. À la rigueur, s'il veut faire de la ventriloquie, on a Flip 4 qui peut. Mais il doit l'introduire. Mais justement, j'étais pas au courant, mais enfin bon. Et là, tout d'un coup, Flip 4 va nous faire On sait, Flip 4, que tu es large d'esprit et pas que d'esprit. Donc ça pourrait peut-être passer. Si je dois choisir une marionnette, j'ai autre chose comme marionnette bien plus jolie quand même. S'il faut introduire. Merci Jean-Mimi. En parlant d'Onissa. Merci Jean-Mimi. Je te le rappelle quand même, c'est que avec Charlie, son bras, il le met à un endroit. Alors je te le dis tout de suite. Sinon, c'est pas agréable. C'est pour ça qu'elle a dit merci. Canon, au moins, il a compris. Et après ça, j'ai écrit une chanson qui est sur le proctologue. Donc voilà, tout est lié. Vrai en plus. Hein, j'ai une chanson sur le proctologue. Donc si éventuellement tu souhaites une consultation un jour, je suis à ta disposition. Mais alors, tu vas chanter en même temps. Toi peut-être un peu moins. Alors ce serait réducteur parce qu'il n'y a pas que Charlie, tu as plusieurs personnages évidemment dans ton spectacle. Alors je sais plus parce que évidemment il y a la grand-mère, une mamie qui raconte le Nord, qui raconte en ch'ti le Nord, qui fait un peu pleurer brère en même temps, mais qui fait aussi rire. Il y a aussi dans les spectacles d'enfants d'autres personnages, un petit lapin, une petite fille, enfin plein de choses. Le monde, en fait, de Jean-Mi, mon monde un peu de Peter Pan, c'est-à-dire l'enfant que je suis resté. Et Charlie, en fait, ça a été mon premier personnage il y a de ça maintenant 15 ans à peu près, quand j'ai commencé la ventriloquie pour... Enfin, ça serait trop long à expliquer. Et j'ai choisi un petit personnage, un petit garçon comme ça, qui était un peu moi, étant gamin. Donc j'ai retransposé tout ce que j'avais en moi. Et forcément, quand on est ventriloque, on est deux personnes. Ouais. Et on se dédouble et puis tout ce qui se passe, c'est un peu comme quand on écrit une chanson, hein, finalement. Il y a plein de choses qui sortent de nous. Mais quand on est avec une poupée de ventriloquie, la poupée prend le dessus, toujours prend le dessus, et elle finit par nous échapper. Mais donc, on finit par être très prudent. Pour être honnête, Jean-Mi, on finit par ne plus te voir. Tant mieux. Mais c'est vrai. Être... Mais oui. On finit par ne plus te voir et on ne voit plus que la marionnette en réalité. Oui. Et finalement, on se dit mais il fait quoi le gars à côté de la marionnette. C'est vrai. Non, mais c'est je vous invite ça. À voir Jean-Mi. Hein. Je vous assure que c'est oui, vrai. Oui, absolument. Je pense que c'est réussi. Il y a du vrai ouais. hein, dans ce que tu dis. Hein. Et à partir du moment où on ne voit plus le ventriloque, qui est un peu un magicien derrière le personnage, c'est gagné quoi. Parce qu'en même temps, on oublie le personnage qui est derrière, qui est plein de défauts, de voix, de bouche, de tout ce qu'on veut. Et ça nous permet de passer davantage, parce qu'on n'est jamais parfait, quoi. Non, mais bien sûr. Alors moi, je me rappelle, je n'ai pas vu tout le spectacle, je n'ai pas pu, parce que j'étais dans les coulisses, mais je me rappelle d'un moment très, très poétique avec Pinocchio. Ah oui, la chanson Pinocchio. Ouais. Ouais, alors j'ai écrit cette chanson Pinocchio à une époque, je l'avais écrite, c'était La Petite Marionnette, elle s'appelle Par rapport à Charlie. Je rapporterai des choses si on se revoit. Mais on se reverra. Oui. Non, mais on parle de dans l'émission. Il a pas dit Pinocchio, hein, c'est Pinocchio. Hein. Ça peut s'arranger. Et donc, je disais que la chanson sur la petite marionnette a été écrite à une époque, il y a bien longtemps, avec Alain Clerc. Alain Clerc, que vous connaissez peut-être, un chanteur luxembourgeois. Oui. Et la musique a été faite par Jean-Marie Troisfontaine. Un mec très connu en Belgique, notamment qui faisait les musiques d'Adamo à une époque, Salvatore Adamo, tout ça. Donc c'est une chanson qui a une histoire, que devait chanter Alain Clerc. Il n'a jamais chanté sur scène pour moult raisons, parce que le disque n'est pas sorti, que ça coûte pognon de faire un disque, il y a plein de choses comme ça. Et après coup, moi je l'ai repris sur scène et j'ai trouvé que c'était très bien, avec une petite marionnette avant qu'arrive Charlie, de pouvoir apporter cette magie avant qu'arrive le personnage. C'est vrai. Parce qu'un spectacle, c'est pas juste une chanson, c'est pas juste un personnage, c'est un tout. Et moi, je suis un peu comme ça sur la scène. Je suis pas un bon chanteur, hein. Je me qualifie pas de chanteur. Je suis plutôt un raconteur. Et donc, je fais un spectacle à peu près d'une heure autour de la chanson, autour du Nord, autour de Paris et autour de deux, trois marionnettes qui passent comme ça entre deux. Voilà. Ouais. Et je raconte des conneries, hein. Ah oui, non, bah, je raconte oui. beaucoup de conneries, j'adore ça. Je me rappelle de la dernière blague d'ailleurs. Ah, oui, tu vois. Ah, si, il y avait une blague à la fin. C'était pour me décontracter peut-être. Mais moi j'étais décontracté. Décontracté à rue. Alors, mais justement, on va renverser la situation si tu devais nous présenter Alain. Alain, le chanteur qui est avec nous et qui nous présente donc Soleil des Hauts-de-France, tu dirais quoi sur Alain? Bah, je dirais que c'est un vrai ch'ti, quoi. C'est un vrai mec du Nord, Nord-Pas-de-Calais, qui défend beaucoup donc Lens, hein, et qui a vraiment, je crois, le Nord-Pas-de-Calais dans la peau. Je dis le Nord-Pas-de-Calais parce que t'es pas que du Pas-de-Calais, quoi. Et qui arrive à bien nous raconter cette région qui a tendance à être noircie. On la trouve un peu noire. C'est vrai qu'il y a pas. Je venais sur la route, j'entendais ta chanson sur le Nord. Je me dis merde, le soleil est pas là quand même. Mais en même temps, il y a tellement de soleil partout et ces gens-là. Mais absolument, on va. Tu parlais tout à l'heure que tu étais parti en Haute-Savoie, je crois. Moi, je suis allé faire un spectacle il y a de cela une année à peu près. J'étais en Auvergne. Ouais. Oh, malheureux. Oui, alors j'étais en Auvergne et c'était dans un petit bled, enfin un truc, il y avait du monde quand même dans la salle, ils m'avaient invité, je ne sais pas pourquoi, en Auvergne. Mais c'était comme ça. Ils étaient sept. C'était comme ça. Non, il y avait 200-300 personnes quand même. Au Puy-de-Dôme, non. Ouais. Et donc, on ne sent pas la même chaleur que dans le Nord, quoi. Complètement. Alors, à la fin du spectacle, je me suis dit, mais aux organisateurs, ils n'ont pas aimé. Ah, si, ils ont adoré, je vous assure. Ah, oui, si, si. Ah, je dis, ça me rassure, mais les gens n'ont pas cette chaleur qu'on a, nous, extérieur. Ils sont moins démonstratifs que, voilà. Ils l'ont à l'intérieur, que dans notre région, encore que ils ont peur de réveiller les volcans là-bas. Oui, absolument. Enfin, voilà, pour dire que le Nord, des gens comme Alain, le colporte vraiment, quoi. Alors, à sa façon, bien sûr, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est quand même, même dans l'accent, dans la façon de chanter les choses ou d'écrire ses mots, c'est vraiment des mots du Nord, quoi. C'est pas de la grande littérature, c'est de la littérature qui peut être, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, mais c'est de la littérature, c'est des mots qui peuvent être écoutés par tout le monde. Et ils chantent le peuple, voilà. C'est ça que je veux dire. Exactement. Ouais, Et bah dis donc, ça c'est une belle, une belle photographie. Si tu cherches un agent commercial, tu devrais... Justement, je cherchais un nouveau manager. Tu l'as trouvé. Ah ouais, par contre, faut le monnayer. Ouais, c'est maxi 15% ah manager. Bah ouais, ouais. Lui plus la poupée, ça fait 30. Hein. Et Onissa, maintenant 45. Alors, Jean-Mi qui est avec nous et Alain le chanteur. Alors, je veux dire Alain le chanteur quand même ou pas? Oui, si, tout à fait. Alain le chanteur. C'est mon appellation de scène, Alain le chanteur. Alain le chanteur, voilà. parce que justement je me suis pas cassé la tête hein, pour retrouver un nom de scène après Alain Val. Je chante sur scène, sur des scènes populaires, mon prénom c'est Alain, bah Alain le chanteur, c'était tout trouvé, voilà. Bah, c'est parfait. Faut, les idées les plus simples sont toujours les meilleures. Eh ben, écoute, c'est noté. Moi, ce que je vous propose, puisque bah, il est l'heure pour notre ami Sherlock de nous faire donc sa chronique rétro ciné 80. Ouais, alors là, par contre, le lancement, je vais le faire à la bouche, forcément, parce que j'ai pas les jingles pour ça. Ah bah vas-y, débrouille-toi. Mais par contre, j'ai réussi à retrouver les extraits sonores, voilà, que j'avais préparés. Donc là, je suis branché sur mon PC depuis mon téléphone. Et je vais essayer de le passer comme ça. Bon, donc, alors rappelle-nous un peu le principe, surtout pour alors, Alain. Donc, le principe, c'est que j'ai regardé un film cette semaine, des années 80, et je vais essayer de vous le faire deviner avec des extraits sonores, donc soit des extraits musicaux, donc la musique du film, ou des extraits de dialogue. Je vais vous donner également des petits indices pour essayer de vous mettre sur la voie. Si vous avez trouvé le film, ne criez pas, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça. Mais essayez de mettre aussi sur la voie vos petits camarades autour de la table. De toute façon, il n'y a pas plus nul que moi, donc... ouais. Ouais, donnez pas d'indice à Onissa. J'ai déjà quand même trouvé deux, trois fois. Hein. Moi, je ne suis pas très bon là-dedans, alors sois bon. Rassuré quand même. Ouais, tu serais étonné. Tu serais étonné. Bon, alors, est-ce que je fais le jingle à la bouche ou pas? Oui, on... ah bah oui, vas-y. Non, j'adore. On va attendre la musique. Montons tous dans la DeLorean et repartons vite vers l'année 1988. Il fait bien Chirac, hein. Ouais, ouais, bon, forcément, ça le fait moins. Sans la musique, ça le fait beaucoup moins. Beaucoup. Alors, je vais vous dire que c'est un film qui est sorti le 24 février 1988. Un mercredi. Voilà, ça, je m'en souviens. Ça nous fait une belle naissance. C'est vrai. La naissance de ton premier album. Musical, ouais, ouais. Voilà. Donc, 1988, la musique est de Christopher Young. Et on va écouter tout de suite donc, un premier extrait de musique, c'est celui-ci. C'est quand tu veux. Bah ouais, je vais essayer de. Tan. Il y a beaucoup de silence sur la partition. Hein? Mais tiens, il... hein? Alors ta couche. Je trouve qu'il y a beaucoup de silence sur la partition. Donc vous êtes toujours sur RTL. Donc c'est le premier essai de Charles. Problème technique. Heureusement qu'il. Moi je vous rappelle pendant ce temps-là qu'en fait il va avoir un apéro repas de la radio qui chiffait là. Ça ne dérange pas de me couper. Maintenant te ferme le gif. Vas-y. Est-ce qu'on entend quelque chose? Oui. Non. Ah oui, mais pas dans le. Bon, je vais couper les micros deux minutes. Bon alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ou est-ce que ça vous donne un petit peu l'ambiance du film? Alors, déjà, est-ce qu'on parle d'une maison? Une maison, alors... Enfin, mais qui est un peu au cœur de... Ça se passe dans une maison, effectivement. Mais qui, est, voilà, qui reste central, ouais. Est-ce que c'est un film plutôt d'épouvante? Oui. Oui. D'accord. Film d'épouvante. D'accord, ok. Ouais, et est-ce qu'un indice comme Max von Sydow pourrait l'être? Pas du tout. C'est pas un film français, bien non. sûr. Non. D'accord. Non. C'est pas américain. Anglais. Ah. C'est tu dis 86, tu dis 88. Oui, 88, ah ouais, non, 88. Ouais, bah non, ouais, je vois pas du tout. C'est un film qui a eu un grand succès ou pas? Un grand. Alors, en salle, en France, ça a fait 313 373 entrées. En 88. En 88, donc c'est pas énorme. Par contre, le film est mondialement connu. D'accord. Mais même en France, ça a eu un succès, mais plus en VHS. Ah, d'accord. Ça a été beaucoup regardé en VHS. D'accord. Ah oui, donc c'est passé. Est-ce que non, t'as dit que l'histoire se passait en Angleterre. Non, mais c'est le film qui est anglais. Le film est anglais. Après, ça se passe pas forcément en Angleterre. D'accord. Est-ce que c'est un j'allais dire, est-ce qu'il y a plusieurs épisodes de ce film? Oui. D'accord. Oui. Ouais, bah, il y en a oui. plusieurs. D'accord. Est-ce que dans ce film... Mais tu as terminé, oui. Est-ce que c'est très sanguinolent? Oui. Ah, bah oui, évidemment. Oui, bah écoute... est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec Tout-Puissant? tout puissant. Ah non, ouais. Il est pas. Non, non, c'est si pas. Si je te dis Bruce tout puissant, il peut y avoir un point commun. Non, je crois non. pas. Ah, d'accord, ok, non, non. Non, non, mais parce que ce que tu dis, là, je vois il peut avoir une dizaine de séries comme ça. Alors, bon, je vais essayer de vous passer le deuxième extrait. C'est un extrait de dialogue. Ouais. Écoutez bien. C'est qui dialogue? Aide-moi. Ah, je vous en prie, dites-moi qui vous êtes. Franck. Non, non. Pourtant, c'est moi. Crois-moi, c'est bien moi. Ah. Sur le parquet, il y avait du sang. C'est ce qui m'a permis de m'échapper de là-bas. Là-bas, mais... Tu es un monstre. Tu viens de l'enfer. Il faut que tu m'aides, mon ange. Pitié, Julia, aide-moi. Ah, je suis largué. Parce que c'est pas du tout celui auquel je pensais. Tu pensais à quoi? Amityville. Eh ben non, c'est pas ça. Ouais, moi, mais la musique, la musique, c'est très plat dur. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Bah, c'est entre. C'est bien possible. Bah, après, c'est une mélodie inversée en plus de. Après, c'est les mêmes époques. Hein, oui, oui, oui, oui. Mais c'est sérieux, pour une fois, je pensais que j'allais trouver. Je vous assure, si tu le retrouves, c'est la mélodie inversée, mais retravaillée de. Est-ce que ça se passe dans une maison, dans la forêt? Non, pas dans la forêt. Non, c'est pas Evil Dead. Oui. Ce que tu pensais sûrement ça. Bah oui, je me doute. Non, non, je vois pas du tout. Alors, tu vois pas, je vais passer. Jean-Louis, par contre, quand je vois les lumières dans ses yeux, pas du tout. Alors, je vais passer à un troisième extrait. C'est pas mon truc. Un des acteurs n'a pas quelque chose à voir avec un X-Men très connu, style Wolverine. En 88 Non. Non, non, non. Il n'a pas des attributs, il n'a pas des griffes. Non, c'est pas Freddy Krueger. Non, non, alors je vais essayer. C'est plus vieux que ça, les Freddy. T'as au moins 83 les premiers. Ah oui, ouais, oui, mais après, il n'est pas dit que ce soit le premier que je passe. Il y en a eu 7. Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est le premier que je passe. D'accord. C'est passé en télé, aux heures de grande écoute. Aux heures de grande écoute, je pense pas. Mercredi après-midi. En deuxième ou troisième partie de soirée, à mon avis. Pendant récré à deux. Oh, la chouette du basket. On va. C'est pas un film, c'est une série alors. C'est une série, c'est pas un film. Alors, si, c'est un film, mais qui fait partie d'une saga. D'accord. Parce que quand il y en a plusieurs, c'est une saga. Est-ce que le meurtrier principal, il y a un meurtrier dedans? C'est Jean-Michel Leloup. Est-ce qu'à un moment, il s'est retrouvé avec un autre meurtrier d'un autre film? Non. Ah, oui, d'accord. C'est pas non plus Jason Voorhees. Ouais, non. Alors, attends, je vais vous passer un troisième extrait. Écoutez bien. Ah, surtout quand eux, ils trouvent. Ils arrivent à le passer. Si tu avais ouvert la boîte, nous voilà. C'est un gâteau pour moi. Oh non, c'est un moyen de nous convoquer pour les humains. Qui êtes-vous? Nous sommes des explorateurs pionniers des mondes inconnus de l'expérience. Des démons selon certaines âmes, des anges selon d'autres, à vous de voir. J'avais pas l'intention de l'ouvrir. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Vous avez trouvé le puzzle. Nous répondons à l'appel. À vous de nous accompagner pour goûter à la saveur de nos jouissances. Je vous en supplie, allez où vous en, laissez-moi tranquille. Oh non, ces larmes, quel gâchis. Quel dommage de perdre une once de souffrance. Extraterrestre ou quoi dans le son? Non, il n'y a pas d'extraterrestre. C'est la voix d'un des personnages principaux. C'est pas un Stephen King. C'est pas un Stephen King. Ça va m'énerver, ça. Mais il n'y a pas. Non. C'est pas un fantasy ou quelque chose comme ça. Non, non, non. Ça se passe dans le monde réel. Enfin, dans le monde réel et dans, on va dire, une sorte d'enfer, quoi. D'accord. Ouais, mais c'est ça, ça m'énerve. Est-ce que c'est un film? Alors, c'est un film anglais, tu me dis? Oui, c'est un film anglais. Le réalisateur est anglais et ça a été tourné en Angleterre. C'est ça qui m'ennuie, ouais. Il y a des grands acteurs très connus? Non. D'accord. Je peux te dire les acteurs. Andrew Robinson, et là je commence par le personnage principal. Ouais. Hein. Ouais. Andrew Robinson, Claire Higgins, Ashley Lawrence, Sean Chapman, Oliver Smith, Doug Bradley, Grace Kirby, Nicholas Vince, Simon Bamford. Ouais, mais là, c'est les perchistes que tu nommes. Non, pas du tout. Alors, il y en a un dedans que je viens de glisser qui était le personnage qu'on entendait. Ah ouais. Je sais pas. Et c'est Doug Bradley, je te le dis maintenant. D'accord, okay. Doug Bradley, en gros, est l'un des personnages principaux. Ah non, attends. Mais non, jamais je fais ça. Je passe. Alors, flic. Je vais vous passer la dernière musique du film. Ouais. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu. Ouais. Donc ça, c'est la musique, le générique du film. Thank you. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Mal. Donc, je vais vous... C'est futuriste, un peu, ou pas? Non, c'est pas futuriste. Ça se passe vraiment dans les années 80. C'était vraiment contemporain. Là, on est dans mon univers. Alors, donc là, je vais donner le pitch du film, et vous allez essayer de me dire... Donc, Frank Cotton, un homme en quête de plaisirs inconnus, fait l'acquisition d'une mystérieuse boîte. Il y découvre un enfer rempli de souffrances et de plaisirs. Plus tard, son frère vient emménager dans la maison de Frank. Pendant le déménagement, une simple coupure et des gouttes de sang sur le plancher réussiront à ramener Frank à la vie. Sous la forme d'un cadavre, il va forcer sa belle-sœur à lui amener des victimes dans le but de se régénérer. Mais les diaboliques cénobites, maîtres des souffrances... de l'enfer, vont très vite se rendre compte de la résurrection de Frank. Forcément, dès que j'ai dit le mot cénobite, il a trouvé. Ça, est-ce que ça a rapport avec des clous? Oui. Effectivement, forcément. Ça a rapport avec des clous. Et c'est Doug Bradley, justement, qui a rapport avec des clous. Ah bah bien sûr. Ah oui. Voilà. Waouh. Ah oui. Eh ouais. Non, mais c'est pas parce que je te laisse parler que j'ai pas compris. Dès qu'il a dit le truc. Ah oui, d'accord. Si. Et l'affiche du film d'ailleurs. Bien sûr. Si. Oui. D'accord. Voilà. C'est un titre anglais. C'est un titre anglais. Oui, c'est un titre anglais. Alors, il est d'abord sorti sous un nom français et ensuite ils ont. Ah bon. C'était quoi le titre français? C'était Le Pacte. Le titre français, c'était Le Pacte. D'ailleurs. Non, alors après, ils l'ont renommé en mettant le titre anglais avant Le Pacte. D'accord. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont trouvé, tout du moins 3. Non, 3 sur 6, c'est déjà pas mal. Hellraiser. C'est ça, Hellraiser. Alors, c'est Hellraiser, Le Pacte. Tu l'avais vu? En partie, oui. Donc, Hellraiser, Le Pacte, qui est de Clive Barker. Ah, quand même, qui est pas inconnu. Ah non, c'est pour ça que je l'ai pas dit tout de suite. D'accord. C'est un navet. Alors, il a eu quand même deux prix. Donc, deux prix, un à Avoria et un à Fantas Porto, donc c'est un au Portugal. Et deux nominations, donc un Saturn Award, donc en Angleterre, et un Award aussi Fantas Porto. Donc, le film a connu un certain succès commercial, rapportant environ 14 564 000 dollars au box-office en Amérique du Nord pour un budget de 1 million. Donc, c'est plutôt un Le rapport est bon. Ouais, le rapport est très bon. Ouais. Le film donc, est le premier d'une saga qui compte à l'heure actuelle 10 films. Ah bon? Oui, le dernier film, Jugement, devant sortir cette année. Après, sans moi. Il faut savoir que Doug Bradley a joué dans 8 des 10 films, jusqu'au 8e il était dedans, c'était donc il s'appelle Pinhead, tête de pin. Désolé mais ça s'appelle comme ça. Et donc là il a été remplacé pour le 9 par un autre acteur et le 10 c'est encore un autre acteur qui le fait. Alors donc avant d'opter pour Hellraiser, la production avait pensé au titre Sadomasochistes from Beyond the Grave, qu'on pourrait traduire par les sadomasochistes d'outre-tombe. D'accord. Parce que oui, effectivement, les cénobites en fait sont des personnages un peu sadomaso qui aiment enchaîner les personnes. C'est quand même un peu mieux que le soleil les dépecer. Donc c'est c'est ça. 50 nuances de. C'est assez spécial. C'est pour ça qu'il y a une certaine clientèle et qui font en fait des pas des remixes mais des épisodes dessus. Alors donc le film a été exploité en France sous le titre Le Pacte, bien que le terme Hellraiser figure sous l'affiche. C'est seulement après que la sortie des suites que le titre Hellraiser a été ajouté afin de l'apparenter à la série, comme La Nuit des Masques pour la série Halloween par exemple. Oui. D'ailleurs j'ai toujours trouvé que Mad Max avait été inspiré d'Hellraiser. Quand tu vois ce côté soumission à chaque fois, avec toutes les chaînes et tout ça, chaînes, trucs qui sont mis et tout ça, c'est très très, c'est beaucoup l'univers de ça. C'est très. Mais Mad Max est sorti avant quand même. Oui, c'est antérieur. Je parlais, pas les premiers, ceux qui les suivants. Ah oui, d'accord. Ont été plus inspirés par comme le Dôme du Tonnerre. Par exemple, avec tous ces mecs enchaînés, avec des trucs et tout ça. Voilà. Alors donc, à la demande du cinéaste, donc Clive Barker, le groupe britannique de musique industrielle Coil avait composé la bande originale du film, mais le studio rejeta cette dernière, préférant la confier à un compositeur plus traditionnel, donc qui était Christopher Young. D'accord. Et enfin, ce que j'ai trouvé, donc la maison du film se situe au 55 Ludovico Place, qui se trouve à l'adresse de l'Institut Ludovico du film Orange Mécanique, donc A Clockwork Orange, de 71, où Alex avait été envoyé pour être rendu non-violent. C'est là où on voyait, où il y avait des appareils, des écarteurs de paupières, et où il lui passait des films en boucle. Et ben c'est la même adresse, en fait. Voilà pour la petite anecdote. Alors, on va faire un tour de table. Canon, tu l'avais vu ? Oui, absolument. Je suis en train de montrer une image voilà, du gars. Alain, tu l'as vu ? Moi, je n'ai pas vu. Moi, je vais énormément au cinéma, mais je suis très, très cinéma français. Ah oui, d'accord. Alors, donc, Et puis, j'aime pas les films d'épouvante. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est pas réel, quoi. La fiction, l'épouvante, tout ça, Ouais, je peux comprendre. Et le fantastique. En même temps, c'est pas exceptionnel. Hein. Jean-Mi, tu l'avais vu ? Non, j'ai pas vu. Et justement, ce genre de film, ça m'intéresse pas forcément, quoi. Tu vois. Ouais. Oui, voilà. Je suis aussi assez français. Je suis aussi, des bonnes. Les clous étaient français. Hein. Le mec qui est sur les clous sur la tronche, c'est autre chose. Si je peux vous conseiller deux films que je viens de voir récemment, il y a Un sac de billes à voir impérativement. Il paraît avec Bruel, et puis ça, La Tollarde avec comment elle s'appelle Catherine Deneuve. Non. Courgeot. Sophie Marceau. Marine Sophie Le Pen. Marceau, tout ah à fait. Pardon. Avec Courgeot. Deux très bon film puisque Courgeot c'est sur les congélateurs. Ça. La Tollarde, bon comme son nom l'indique, c'est l'univers carcéral chez les femmes. Et avec Sophie Marceau. Je vous conseille d'aller le voir. C'est un très très bon film. Ne serait-ce que pour Sophie Marceau, ça vaut quand même le coup, quoi. Oui, ça dépend. Il y a des moments où elle n'a pas toujours fait des très bons films. Non, je parle pas des films. Je parle de la personne. Ah oui, d'accord. Plutôt sympa, quoi. Franchement, ce film est top. Je vous le recommande. Je disais hors antenne, je la supporte pas. Mais là, je la trouve pas sympa. Elle a vraiment un très très bon rôle. Moi non plus, je suis pas fan de Sophie Marceau, mais là, franchement, et aussi, il y a une description de l'univers carcéral. Ce film, franchement, tu te rappelles les souvenirs Oui, oui. Non, j'habite. En visite simple, oui. En visite simple, oui. Ah, parce que t'as visité les prisons. J'ai déjà rendu visite à des gens qui étaient en prison, oui. Ah là, pour faire des spectacles ou Non, pour des gens. T'embrasseras ta femme de l'autre part. J'ai pas m'étalé, mais bon, voilà, j'ai déjà eu l'occasion de rendre visite à des gens en prison. Ok. Philippe 4, tu l'as vu ? Oui, je l'avais vu en partie parce que j'ai loupé le début. Ouais. Mais je pense que j'aimerais peut-être bien redécouvrir le film. Ouais. Bah, moi, j'en regarde pas. J'en ai un souvenir assez vague. Le film, je vais dire, a assez mal vieilli. Dans les effets spéciaux, il est assez bon. Par contre, tout ce qui est dialogue et tout ça, c'est. Je me suis quand même fait chier, quoi. C'était pas le but du film non plus. Ouais, mais ce qui est rigolo dans les années 80, puisque c'est vraiment l'émission, c'est se poser là-dessus, c'est quand tu vois ce que les gens étaient capables d'écrire. Il y a quand même eu des films phénoménaux, même en France et tout ça. Il y avait de très très bons films, mais à côté de ça, quand les gens se lançaient, ils avaient les prises de vue, les premiers effets spéciaux, on avait les synthés, on avait les mèches, tout ça. Et à côté de ça, les trucs étaient vraiment chiés. Je prends Conan le barbare, pareil. Ils prenaient Schwarzenegger, machin, en extérieur, et commençaient des effets spéciaux, des trucs fantasmagoriques, etc. Ils mettaient tout le truc, et à côté de ça, c'est. Oui, le mec il pouvait dire qu'un mot quoi. Il y a 17 répliques dans le film Audiard, Conan le Barbare. Audiard pouvait pas être partout, je veux bien. Ah oui, c'était. Là, ouais, mais voilà. Schwarzenegger dans Conan a 17 répliques en tout. Ah oui, donc si, effectivement, il l'avait pris pour son physique et pas pour sa voix à la base. Évidemment. Ça, oui, donc, mais toi aussi. Toi aussi, il y a Sherlock. Oui, mais après, voilà, c'est le style de film. Les films d'action, aujourd'hui, on n'en demande pas parler. L'important, c'est pas le dialogue, quoi. Donc, dans ce genre de film, c'est quoi le texte ? Non, mais vraiment, dans ce film d'horreur, ou entre guillemets d'horreur, c'est pas non plus le dialogue qui est très important. Non. Ce sont les effets, oui. Et puis, ce sont des films qui ont ni queue ni tête, faut dire ce qui est. Une tournée plus, c'est une. Bonissa, est-ce que ça vaut le coup que je te pose la question de savoir si tu as vu Hellraiser ou pas ? Non, je ne l'ai pas vu et franchement, j'irai pas le voir non plus. Non, c'est pas le style. T'es pas trop bricolage, toi, je pense. Non, moi, je suis plus romantique. Et pourtant, c'est Calin qui avait dit les clous étaient français. Hein, c'était des clous de chez Dédé. Attends, parce que les clous de chez Dédé, c'est pour l'éternité. Hein, je suis pas bricolage du tout. Moi. Je te rappelle, c'est Sadomaso. Hein. Oui, mais j'aime pas ce. Bon, en tout cas. Le plantage de clous. En tout cas, merci pour ce retour en arrière sur ce film de 1988, Hellraiser. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. En tout cas, c'est une séquence intéressante. Hein, j'avais jamais entendu. Eh bien, à partir de demain, si tu vas sur la page Facebook de l'émission, tu pourras te rendre compte du film directement. Parce que je vais vous le partager. Voilà, il partage. On vous rappelle d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre toujours sur la page de l'émission, sur 80 à l'heure. Vous avez aussi la page des animateurs que vous pouvez retrouver avec Sherlock, Flipcat, Harry, moi-même. Et là, très belle. Très, très, enfin, belle. Onissa. Qui a fait sa page, j'espère. Non, je suis nul à la dure. Je n'attends que toi. Onissa qui m'a dit. Mais là, faut taper jacquiemichel.fr et là, vous retrouverez Onissa. Attends. Excuse-moi, là, je fais une parenthèse. Je suis sûre que la seule qui connaissait pas Jacquiemichel, c'est moi. je me suis tapé une de ces... C'est qui, Jacques et Michel? Ah, vous êtes sympa d'être solidaire. Et je suis allée à un repas, ils parlent Jacques et Michel, et ils sont partis tous en cacahuète, et moi, pour une fois, pas un mot. Et alors, t'as dit merci? Non, mais c'est qui? En bas. Et à un moment, ils ont tous arrêté de parler, ils m'ont tous regardé en disant, bah, Onis, je dis, bah, moi, je comprends rien de ce que vous racontez, je les connais pas. Elle fait, mais enfin, c'est pas possible, tout le monde y connaît Jacques et Michel. Ben, je dis, moi, je connais pas. Donc, il m'a raconté. Et après, je dis, j'ai posé la question autour de moi quand même. Je dis, tu connais? Bah ouais! Je dis, bah vraiment, je suis blonde. Hein. Mais c'est non, qui alors? Et depuis, alors, elle a été aimée la page de bah, Jean-Mimi. Michel, sur je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je suis dégoûtée. Si, je vais vous faire un scoop. J'ai le plaisir le 8 avril de les accueillir, les vrais, ouais, Jackie et Michel, c'est pas une blague, avec, voilà, au Mojo. Donc, c'est une soirée spéciale, Jackie et Michel, avec toutes les stars et des porn stars qui seront là le 8 avril. Et je suis le photographe. C'est ouvert, et je vais faire plaisir. Je les rencontre à 19h. Les vrais Jackie et Michel, ils seront là et vous êtes invités. D'accord. Donc, il y a. Donc, non, mais écoutez, c'est, non, c'est une promo. Attendez, c'est une promo d'un partenaire aussi qui va un jour avec RQC, je vous expliquerai, avec 80 à l'heure. Donc, le 8 avril, au Mojo, là, je peux en parler. Voilà, Jackie et Michel, les vrais, avec des avec des. La tête à Flip 4, là. Ils bavent déjà. Voilà. Non, ce soir, c'est ouvert, quoi. Il a retrouvé la parole. Donc, je vous invite à. Ça y est. Je vous invite à me rejoindre. Il y aura des gadgets, il y aura une association aussi qui fait des petits objets, il y aura des porn stars, il y aura je connais des gogos avec qui j'ai déjà travaillé et tout ça. Ah non, mais je les connais très bien. Oui. Elles sont open, non, c'est des professionnels. Elles sont là pour faire leur pour job. Faire le show. Elles sont là pour faire le show, elles se laissent pas toucher. Par contre, il y aura Jackie et Michel, les vrais Jackie et Michel seront là et on les reçoit à 19h. Moi, je fais une interview et après il y aura le show voilà, au Mojo. Et à titre indicatif. Comme ça, je savais pas comment l'introduire. Et bah, voilà, c'est fait. Merci. Eh ben, c'est qui fait. Hein, on dit ça. Ah, merci. Sans déconner, vous savez qu'il y a, il y a même la bière Jackie Michel. Ouais. Allez-y, go. Ouais, oui. Il y a des produits dérivés. Moi non plus, je connaissais pas. Bon, en tout cas, on remercie Alain et Jean-Mi. Mais justement, moi, je vous propose une petite pause musicale pour que l'ambiance se remette un peu. Alors, moi, ce que j'aimerais quand même, puisque effectivement, donc, on rappelle que nous sommes avec Alain, le chanteur pour Le Soleil donc, des Hauts-de-France. Donc, son petit EP qui est sorti il y a quelques temps. Donc, vous pouvez vous procurer sur Internet et vous allez sur son site alainchanteur.fr. .com, mais vous tapez Alain Chanteur, vous allez le retrouver. On est également avec Jean-Mi. Moi, je voudrais vous poser une question avant qu'on fasse une coupure musicale. Pour vous, les années 80, ça représente quoi et qui? Ah ben, les années 80, pour la France, c'est Jean-Pierre Madère, c'est Désirless pour moi. Désirless, ouais. Claudie Frisch, que je connais bien. D'ailleurs. Claudie, bien sûr, absolument. C'est toutes ces années, les années funk, les années disco. Hein, ouais. Cool and the Gang, tous ces groupes-là où on a dansé. C'était le encore l'époque du disco, hein, donc les discothèques. La fin, un petit peu la fin du disco. La fin, oui. Ouais. Mais on commence à voir la New Wave aussi. Moi, ça représente... ça représente la fête, les années 80, ça représente la musique de fête riche. Mmh. Parce que la funk, c'était la funk, aussi bien techniquement parlant, un groupe comme Earth, Wind & Fire, par exemple, c'est un groupe énorme. Musicalement parlant, c'est riche. Et on faisait la fête sur ces groupes-là. Si je fais un comparatif à aujourd'hui, les musiques de fête... voilà, oui, à part Patrick Sébastien. En discothèque, je parle. Ça oui, fait, à part ça Le Soleil des Hauts-de-France. Earth, Wind & Fire, je te rejoins, c'est vrai que c'était très riche musicalement. Quand il faisait un show, il y avait 40 musiciens avec des cuivres. Et d'un autre côté, ça jouait, c'était du rock. C'était très funk, pardon. La musique de fête des années 80 était très riche techniquement. Voilà. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est parce qu'on n'invente plus maintenant. Hein, aujourd'hui, on reprend. Ce qui est assez impressionnant, enfin, moi, je joue du clavier, c'est qu'on a des samplers de plus en plus. Et tous ces samplers, en fait, reprennent tous ces rythmes, l'échantillonnage des années 80. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en mixant ça, on arrive à faire quand même un melting pot de trucs qui bougent tout de suite. Ouais. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'on n'invente plus rien. Non. Et de moins en moins. Ça, je suis assez d'accord. Voilà, les gimmicks, on n'en entend plus, des trucs planétaires. Non, le Born to be Alive, c'est plus fin 78. Ouais, enfin, bon, on est quand même dans 78, ce, 78. Voilà, 78. On est quand même lui, il a fait le registre-là. Il a fait le coup. Lui, il a fait le parce qu'il est toujours là aujourd'hui. Il a rien fait d'autre aussi. Si. Il a fait quelques petites chansons. Si, j'ai même un titre chez moi où il faisait un duo avec Hervé Tollence, d'ailleurs. Dead to Dead. Si. Non, il a fait d'autres titres qui n'ont pas fonctionné. Ah oui, ça n'a pas marché. Mais il a fait d'autres titres. Bien sûr, Born to Be Alive, c'est ce qu'il a lancé. Il y a énormément de chanteurs, Thierry Hazard, par exemple, Jer, que toutes ces chansons. Bien sûr. Voilà, mais c'est tous des gens qui ont fonctionné avec un ou deux titres comme ça. C'est vrai. Et beaucoup. Qu'on retrouve actuellement, dans les tournées qu'on retrouve actuellement. Ah oui, c'est des gens qui ont fait un ou deux tubes. Oui, tout à fait. Rien d'autre. Ils ont fait leur retraite là. Ouais, mais c'est pas riche quoi. Dans ces années-là, les chanteurs de cette époque-là, ont fait leur carte de visite, comme tu le dis, Jean-Mi, sur un titre. C'est vrai, je suis bien d'accord. Et ils sont toujours là aujourd'hui, par exemple, on les retrouve, on en parlait tout à l'heure, dans les fêtes de 14 juillet. Les podiums, les galas, absolument. Après, t'en as qui restent phénoménaux. J'ai vu Julie Pietri, j'ai écouté plutôt Julie Pietri, c'est vrai que c'est assez. Elle avait des problèmes de compresse et de reverse sur son micro, elle a tenu pendant une heure et demie à Neuville-en-Ferrain. Ouf! J'aime chanter, ça chante. Ça, c'est je dis ça chante. Mmh. Elle a une voix formidable. Il n'y a pas l'air convaincu. Mais il y a Joker. Ah ouais, moi je l'ai entendu quand même. J'ai eu l'occasion de la côtoyer sur un plateau. J'aurais bien aimé, moi. Mais pas que sur un plateau. Ça va être bien grand le plateau. Ça n'enlève rien à son talent, mais c'est. Voilà, bon, bref. D'accord. C'est pas ce que disait Jean. Si, on est là pour tailler. Non. Jean-Luc Lahaye avait pas du tout ce comportement-là et cette réflexion par rapport à elle. Je crois qu'il y a eu un procès d'ailleurs avec elle en disant qu'il se tapait pas les vieilles, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Mais il fait sortie de maternelle, c'est autre chose. Enfin bref, Jean-Mi, pour toi, les années 80, ça représente qui je quoi crois que c'est ce qu'il vient de dire. Hein. Y a pas, j'ai rien à ajouter. On tourne autour de ce qu'on vient de dire maintenant, et puis c'est tout. Mais ça laisse quand même. Y a quand même un bon fond de commerce. Il y a des choses bien commerciales autour de ça. Les années 80, je crois qu'elles restent encore en avant. Les références actuelles, c'est les années 80. Tout à fait. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui fonctionne les compilations années 80 sortent. Elles sortent tout le temps. C'est ce qui fonctionne dans les compilations. Oui, mais on demande à chanteurs qui chantent les années 80 maintenant. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on a reçu ici les Miss Moucron, Miss Waterloo, tout ça. On a affaire à des demoiselles entre 16 et 22 ans, on va dire. Et c'est assez impressionnant. On leur demande des titres et c'est vrai qu'ils ont comme référence plein de musique. Alors, c'est vrai que comme Pokora, par exemple, va reprendre aussi certains titres ou de Goldman ou tout ça. Mais quelque part, ça reste vraiment un univers qui était à part. C'était vraiment à part. Et on retrouve cette même chose. Je parlais tout à l'heure que j'étais juré à un concours de chant à la Noix, et avant à Waterloo d'ailleurs. Eh bien, les gens, les participants, les filles comme les mecs, chantent les années 80. Bien sûr. Les trois quarts des chansons, ce sont des valeurs sûres. Excuse-moi. Non, je vais rebondir simplement sur les chanteurs parce que j'ai un truc à passer. Une date. Non, mais j'ai une date à passer. Eh ben, tu la passeras juste après la comédie musicale. Qu'est-ce que t'en penses? Ça marche. Et moi, j'avais une petite anecdote aussi à vous raconter. Après la comédie musicale. Allez, on y va. Alors, on va. Faut qu'on partir contre. Oui, on part. Alors, petite dédicace justement à Jean-Mi avec le titre de Pierre Bachelet, marionnettiste. Ah, oh, c'est beau. Et ensuite, on reviendra avec. Je vais mettre Nestor. Non, ça je l'ai pas. Et ensuite, on reviendra donc avec le titre d'Alain le chanteur, Coron, je le suis. Eh ben, allons-y. Allez, boule, c'est parti. Le réveil matin. Me revient, je l'aime, j'ouvre la radio, torrent de mots, j'aimerais qu'on le dise, il l'aime, je mets ma chemise, un coup de peigne, je bois mon café de sucre à peine, et mes pensées sont toutes les mêmes, c'est insensé, je l'aime, qu'est-ce qui m'arrive, je descends ma rue, je prends l'avenue, toujours la même, feu rouge première, les gens derrière, déjà le feu vert, avenue du Maine, comme un automate. Je tourne à droite, déjà les problèmes, la vie, les coups. Suis-je un acrobate ou suis-je fou? Mais dis-moi tout, marionnettiste. Je défie seul à mon destin. Tu me fais faire un tour de piste,

restes démon. Dans nos cœurs, il fait bon. Il fait bon. Comme la chaleur du fond. Coron, coron. Je le suis. Je le suis. Aux briques. Aux briques fumées. Fumées. Aux toits alignés. Aux toits alignés. De nos petites maisons. Faisait bon vivre dans tous nos corons, l'amour, le travail, l'amour, le travail, c'était que passion. Soit ouvrier ou notaire, quand nous chagrine le derrière, on vient chez moi naturellement pour que j'examine le fondement. J'écoute, j'observe et puis j'agis. Je donne des conseils avertis et je rassure tous mes patients. J'en ai vu des mille et des cent. Je suis proctologue. Et sur mon blog, vous aurez des informations sur tous les culs sans exception. Il y a des culs qui font la grimace, des qui se regardent pas dans la glace. Et puis des bourrées de complexes que ça vous rend parfois perplexe. Il y en a bien sûr des arrogants, des qui se pavanent devant le client, des culs de stars ou de dandys tellement craquants qu'on les envie. Je suis proctologue et sur mon blog, vous aurez des informations sur tous les culs sans exception. Parfois de peur, d'appréhension, dans le cadre d'une consultation, un intestin se met en mouvement, parfumant l'air impunément. Ce sont les risques du boulot. Ça vous défrise les naseaux. Mais cependant, je vous le dis, c'est un métier qui me ravit. Je suis proctologue. Et sur mon blog, vous aurez des informations sur tous les culs sans exception. J'observe plus souvent, c'est bien sûr, le bas des reins que la figure. Et je peux décrire assurément le caractère de mes patients. Car sur un cul, je vous l'affirme, comme sur un visage s'imprime, les moindres rides de la vie, les joies, les drames et les soucis. Je suis proctologue et sur mon blog, vous aurez des informations sur tous les culs sans exception. Je suis proctologue et sur mon blog, vous aurez des informations sur les petits culs, les gros, les ronds. Eh bien oui, je suis proctologue. Et si vous voulez que je vous dise tout sur votre charmant petit cul, je vous invite à prendre rendez-vous. Alors, à tout bientôt. C'est le dimanche 2 avril que se déroulera à partir de 11h dans la salle bleue du Centre Expo, rue de Menin 475 à Moucron, l'apéritif repas annuel de RQC Radio Kichifel. Au menu, apéritif offert, cochon à la broche, pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, pain, sauce. Le prix est fixé à 17€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. À l'achat de tickets, un café gourmand vous sera proposé pour accompagner votre repas. Une tombola est organisée et le premier prix est un smartphone Galaxy Gold. Attention, ce repas se fait uniquement sur réservation, soit au local de la radio, de A rue Roger Salengro, anciennement place de l'Ours, face au centre Marius Taquet. Ou par téléphone au 0479 09 70 52. Et depuis la France, 0032 479 09 70 52. Ou au 056 34 07 83. Depuis la France, 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux, comme chaque année, à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Moucron. Alors, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, évidemment, hein, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. Alors, ça m'amuse parce que on annonce l'apéritif repas juste après le titre Le proctologue de Jean-Mi. Alors, voilà, c'était pas fait exprès. Alors, ce soir, effectivement, nous sommes avec, avec Alain, le chanteur, hein, pour son album donc Soleil des Hauts-de-France. Et nous sommes avec un invité surprise, Jean-Mi. Alors, qu'on redécouvrira évidemment pour une émission spéciale où on va se concentrer rien que sur lui parce qu'évidemment il a plein d'actualités. T'as pas envie? Si, mais je veux dire, il n'y a pas. Voilà, il y a plein d'autres choses à parler. Il n'y a pas que moi, quoi. Je ne suis pas quand même le centre du monde. Mais non, non, non. Ce jour-là, oui, je viendrai avec Charlie. Ah oui, bah justement, oui, avec Charlie. Mais évidemment, bien sûr. Bien sûr. Alors, je sais que ça tient à cœur à notre ami Canon de nous parler évidemment donc, de l'apéritif repas qui va avoir lieu donc, le 2 avril. Tu as insisté depuis tout à l'heure en disant ah, vas-y, il faut qu'on en parle et tout. Alors, vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Bah oui, parce que comme de la même façon que vous attendiez l'annonce, c'est vrai que l'apéritif repas, ça permet de faire vivre la radio, et pas que évidemment, mais c'est l'occasion aussi de retrouver tous les animateurs, de mettre peut-être un nom sur les visages, parce que vous avez 80% des personnes et des animateurs, dont nous, qui passeront dire bonjour. Donc ça se passe le dimanche 2 avril, vous pouvez venir dès 11h, c'est à la salle bleue du Centre Expo de Moucron, prenez la rue de Menin, c'est à gauche, là après l'agence 056. Repas uniquement donc sur réservation. Donc il faut savoir qu'il y aura une tombola avec un premier prix, un smartphone, il y aura de quoi, alors c'est 17€, il y a l'apéritif, le cochon à la broche, pour tous ceux qui ne mangent pas du cochon, eh ben, il y a du cochon à la broche, non, il y a des pommes de terre, je plaisante. Est-ce qu'il y aura des cochons? Pardon? Est-ce qu'il y aura des cochons? Il y a toujours des cochons. Moi je serai là déjà. Non, il y aura des grosses cochons. Et donc, il y aura des pommes, il y aura des onissa rissolés. Vous pouvez venir à 200 alors. Voilà. Donc, il y aura des onissa rissolés, il y aura plusieurs sortes de carottes et des pains et des sauces. Oh oui, les carottes, sans pute. Voilà, elle est en pleine forme. 12€ pour les enfants, boissons non comprises. Par contre, donc 04 79 09 70 52. Voilà, 04 79 09 70 52. Et si vous appelez autrement durant les émissions, mais appelez plutôt sur l'autre numéro. Voilà. Enfin, en tout cas, pendant la coupure musicale. Alors, je vous rappelle que vous avez aussi l'assiette, les fourchettes et le verre. Non, mais j'ai ça de faire parce qu'avant, les annonces, c'était ça. C'est limite, on avait du pain, des fourchettes, une chaise, une table. J'ai une histoire de carottes pour rebondir, mais je la dirai plus tard ou alors je ne la dirai pas parce qu'elle est un peu coquine. Ah mais tu peux. Non, après 22h. Après 22h, on retient l'histoire de carottes de Jean-Mi, on la retient. Mais pour nous, c'est important parce qu'effectivement, l'apéritif repas, c'est, on rappelle quand même qu'on n'est pas une radio commerciale. Voilà. Donc, on a certes quelques subsides du CSA, mais c'est surtout qu'effectivement, c'est un moyen pour nous de subvenir à nos besoins, de pouvoir émettre comme on le fait aujourd'hui. Donc, voilà, ça fait partie de beaucoup d'événements. Et Dieu sait qu'il y en a des événements. Il y en a plein. Il y a des concerts qui sont organisés. Je pense notamment au Hellbar où régulièrement ils organisent des concerts, des showcases, donc voilà, donc rappelez, notez-le sur vos tablettes, c'est le 2 avril, donc à partir de 11h à la salle bleue. Si par aventure, voilà, vous pouvez peut-être pas manger parce que voilà, vous êtes en famille, machin, venez boire un verre, et ouais, rien que ça. 17€. Non, c'est pas 17€. Bah, c'est allez. Plus, on paye un verre à tous les amis. Je rappelle que nous sommes donc avec Alain le chanteur et également Jean-Mi qui sont avec nous. C'est le moment ou jamais. Si, c'est le moment, hein, tout de suite de nous. Si tu le dis. Bah ouais, de rejoindre notre ami Flipkat et sa chronique Rock Legacy. J'ai pas le jingle. Bon, on va le faire. On va le faire à la boucle. D'accord. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ah c'est pas mal. Dun, dun. Another one bite the dust. Dun, dun, dun, dun, dun. Another one bite. Allez, Jean-Mi se demande quoi il a dit. En plus, c'est t'es vraiment chieur parce que t'as dit que tu voulais plus l'entendre ça. Ah si. Ah, another one bite the dust. Ah non, je voulais plus l'entendre, mais le problème c'est qu'on l'a pas. Donc, il faut bien qu'on la fasse. Non. C'est le morceau des Clash. Allez, c'est bon. Allez. Et par contre, fais-nous un condensé si tu veux bien. Ah bah écoute, je vais essayer. Et l'autre il fait le haut. Bon bah allez, on va essayer de te torcher sans en 5-7 minutes. Mais non, allez, 7 minutes. Pas, 7 minutes, t'as 7 bah, minutes. Bah je vais essayer. Top chrono, c'est parti. Et top. Allez. Allez, c'est parti. Alors Dire Straits, c'est un groupe de rock britannique créé à Dave Epford en 77 par Mark Knopfler, guitare et chant, et David Knopfler, qui n'est autre que son frangin à la guitare. Ouais. John Hillsley, guitare basse, et Pete Withers à la batterie. Il a été considéré pendant très longtemps et encore aujourd'hui comme étant l'un des plus grands groupes de rock des années 80 avec plus de 120 millions d'albums vendus. Initialement appelé de Café Racers, Dire Straits, en fait, qui était la contraction de To Be in Dire Straits. Ah ouais, pourrait... ça veut dire quoi? Oui, alors, il faudrait le traduire carrément par être à la rue. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. Voilà. Et donc c'est dans ces conditions que le groupe avait démarré en 77 et ils ont gardé le nom depuis, tout simplement. Alors en débutant à une époque, évidemment 77 c'est l'époque punk, évoluant dès les années 80, Dire Straits n'en reste pas moins un groupe de rock à l'ancienne, influencé principalement par les années 60, voire 50 et le blues. Un peu folk hein, quand même. Ouais. Il y a un petit côté folk. Ouais, hein, c'est pas folk comme on l'entend. Ouais, c'est Un petit peu quand même. Allez, pour te faire plaisir, on va non, dire. Non, mais je te pose la question. Hein. Non, pas vraiment en fait. Ah ouais? Non, c'est plutôt, je pense, au niveau de l'image. Parce que quand on entend Celtan of Swing, c'est quand même un peu folk. Non. Ah d'accord, ok. Folk, c'est plutôt. Non, non, mais si tu veux, en référence de. On va dire dans le folklore folk, on va citer Simon & Garfunkel. Oui. Voilà. Ah d'accord, ok. Ok. Donc il y a quand même un contraste, ouais. Et c'est des sonorités plus acoustiques. Alors les influences, justement, puisqu'on parle d'influences, hein, puisque j'ai dit des influences principalement basées sur la musique des années 60, voire 50, avec le blues. Les influences du groupe sont à chercher du côté de Bob Dylan pour le chant, au niveau du phrasé. Et au niveau de la guitare de gens comme Gigi Cale, Hank Marvin. Hank Marvin, c'est le guitariste des Shadows. Ah ouais. Avec Clapton, ou encore avec... Ou encore, pardon, Chet Atkins pour le jeu de guitare. Alors les Shadows, évidemment, avec les Apaches. Avec Apache. Oui, Apache, tout à fait. Ça, c'est bon, ça. Absolument. Ah ben, Alain est en train de nous faire Apache à la bouche. Du air guitare, là. Ouais, non, c'est pas du air guitare, il le fait à la bouche. Bah si, parce que il faisait quand même le... Il mimait la guitare. Ouais, c'est alors, mais je préfère les Shadows, hein, excuse-moi, ouais. Mais... Normal. Maintenant, Fleur, elle a une sonorité assez particulière au niveau de son jeu de guitare parce que tout simplement, il a toujours joué avec les doigts, jamais avec un médiator. Et il faut savoir que justement... Oh, bah écoute, tu m'en apprends des choses. Oui. C'est-à-dire qu'on peut et jouer la guitare sans les doigts. On est obligé d'avoir un médiator. Sans les doigts, non, tu peux pas. Non, mais limite avec un moignon. Arrêtez. Non. Le problème, c'est que quand, surtout pour les guitaristes novices, déjà le fait de plaquer des accords sur une guitare électrique au niveau du manche... Je peux te dire que ça flingue bien les doigts quand t'as pas l'habitude. Ah, tu vas. Oui. Et franchement. Et donc, jouer avec les doigts, c'est un peu comme en picking. comme son guitare folk, les guitares western, surtout sur les cordes les plus fines, le mi, le ré, en fait, ça coupe les doigts. C'est les cordes métal. Il y a des gens qui... Oui, c'est les cordes métal. Ah. Voilà. Pour répondre à ta question, qui a inventé le staccaché? Le premier lépreux qui a joué de la guitare. Ouais, d'accord. Bravo. Bravo. Ah, bah, y a Brian May quand même qui jouait avec un penny. Un penny quoi? Un penny. Oui, moi aussi. Mais pas le sien. Il prenait le penny d'un autre. Oh, arrêtez les gars. Jimi Hendrix avec les dents. Hein. Ouais, c'est oui, vrai, aussi, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ah, moi, les insus, j'ai vu. Hein, ils ont joué la Marseillaise avec les dents. Et Kat, c'était avec son sexe. Ouais, c'était excellent. Hein. C'est vrai? On va le laisser parler parce qu'il va râler. Non, je ne dis rien. Non, ça après, non, on va dire que après je fais long. Senti ton regard de tueur. Non, mais c'est parce qu'après on me reproche que ma chronique est trop longue. Bah, vas-y. On me demande de torcher ça en 7 minutes, c'est mal barré. C'est intéressant. Voilà. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand tu dis torcher. Ouais, c'est pas. Ah, plier. Allez, je vais dire plier. Ouais, plutôt parce que c'est pas torcher. Elles sont super tes chroniques, mon ami. Bah ouais. Bah garde la preuve, on n'est pas tout dessus. Ouais, ça se voit. Parce que quand tu dis torcher, ça veut dire que tes chroniques sont à chier. Non, pour moi, torcher, c'est quand je dois aller faire condenser, quoi. Ah ouais, mais torcher, c'est les. Donc j'essaie de prendre un débit. Il va arrêter Canon. À chaque fois qu'on dit condenser, il y a Canon qui se lève et qui lance, quoi. Bon, t'inquiète, il adore ça. Il adore ça. Moi, je dis plus rien. Je commence à être sérieux et être blasé. Donc, voilà. Alors, donc, au niveau du jeu de guitare, puisque je disais, comme il a toujours joué sans médiator, c'est ce qui fait le son. Puisqu'au niveau de l'attaque des cordes, ça ne procure pas le même son du tout. C'est comme jouer en picking. Et il y avait le grand guitariste regretté Chet Atkins qui dira à propos de Knopfler, Knopfler fait n'importe quoi, mais il le fait bien dans sa façon de jouer. Ouais. Parce qu'il a une façon vraiment particulière. Il est quasiment un des seuls grands guitaristes à jouer, donc avec les doigts, sur une guitare électrique. En conclusion, il joue un style qualifié de roots rock. Voilà. D'accord. Alors, premier album, évidemment, qui est sorti donc en 78, qui s'appelait tout simplement, c'est un album éponyme, Dire Straits, avec le premier tube, évidemment, que tout le monde connaît, Sultans of Swing. Ah, j'adore. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Alors évidemment, ce sera un grand succès. Ce sera rapidement suivi d'un autre tube issu du même album avec le titre Down on the Waterline. Mais je te prends de court. Mais c'est ça, il me dit ouais, non, mais je l'avais mis pour l'intro, puis je l'ai pas mis en fait. Mais c'est pas grave. Donc c'était Down in the Waterline. Et donc ça c'était issu du même album Dire Straits, mais évidemment le succès qui restera dans les oreilles de tout le monde, ce sera Sultans of Swing. Ah oui. Alors à savoir une petite parenthèse, dans Sultans of Swing, il parle d'un guitare George. Ouais. Et en fait j'ai voulu savoir qui était ce monsieur. Et en fait c'est George Borowski. Et qui est George Borowski? Apparemment non. Borowski, moi je pensais que c'était plus un musicos, et apparemment c'est quelqu'un qui était plus à faire des spectacles, mais qui jouait de la guitare également. D'accord. Mais qui n'était pas, à proprement dit, un musicos, voilà. D'accord, ok. Un peu comme un Satriani, quoi. C'est, je pense, non, hein, je, j'ai jamais. Musicos, hein. Ah, il n'était pas musicos. Il faisait des spectacles, mais c'est plutôt, des, je pense, des, en solo, quoi, guitare acoustique. Il faudrait que je regarde, je m'y rapproche. D'accord. Joe Bonamassa. Ouais, voilà, je pense que ça doit être plus de, plus de trucs d'animation. De... Et alors, on voit là ceux qui sont mais vraiment mais musicos à mort, là. Il y a Jean-Mi et Alain qui sont en train de parler avec Flip 4, mais on va s'en aller. Hein, Non, mais moi, moi aussi, je suis musicos, j'écoute. Voilà, donc ça fait référence à George Porosky, en fait. Ouais. Alors, en 78, il y a eu un deuxième album avec un deuxième succès avec le titre Communiqué. Communiqué, ouais. Voilà. Superbe. Ça me dit rien. C'est parti. Communiqué, je ne l'ai pas. Hein. Ah. Non, bah, ah bah non. Ah pardon, autant pour moi. Je veux non. Bien que ce soit parti, voulais, alors autant pour moi, oui, parce que c'est je voulais citer le titre Communiqué et il y avait un autre single Lady Writer, pardon. Ah autant bah oui, ça moi. Je l'ai. Comment tu l'écris Communiqué au fait? Comme à communiqué, c'est écrit à la française. Ah ouais, c'est marrant ça, je ne sais pas. C'est pas Communicate, ouais, non. Et ça c'est Lady Writer. Alors bien entendu, c'était donc le single Lady Writer. Alors les succès évidemment sur ce deuxième album pardon, ne démentent pas. Et les albums s'enchaînent. Troisième album, Making Movies, et le simple Romeo and Juliet. Ah oui. Sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack." Voilà donc Romeo and Juliet en 80. Quatrième album avec, donc, qui s'appelait Love Over Gold en 82 et un autre titre, à mon avis vous l'avez déjà entendu, qui s'appelait Private Investigation. Private Investigation du quatrième album Love Over Gold. 85, sixième album, avec un titre, donc sixième album intitulé Brothers in Arms, oh. Et le fameux titre, on en parlait à l'instant, Money for Nothing. Ah oui. Alors ah, avant de balancer le morceau, je voudrais vous donner une petite précision. Vous allez, en l'écoutant, parce qu'il y a beaucoup de gens que apparemment ça avait surpris quand j'ai donné l'info, c'est que ce morceau a été écrit par Mark Knopfler, avec une participation de Sting. Sting le chanteur, ah bon, oui, qui change les harmonies à certains moments tout au long du morceau, et notamment lors de la finale du morceau, on le repassera peut-être oui. Hein, à la coupure, si vous tendez bien l'oreille. Même tout au début, hein, je crois oui. qu'on entend Sting. Mais on l'entend nettement à la fin, ah bon, il chante les harmonies à certains moments tout au long donc, du morceau, mais au final, on entend bien Sting chanter « I want my MTV » sur l'air de son tube, qui a été un grand succès, ah, « Don't stand so close to me ». Un peu comme George Michael et Nikita, quoi. Ouais, lui... c'est ça, ouais. Ah, c'est bah, écoute, marrant, ça. Et écoute bien le début de la chanson, t'entends... Et ça, sur c'est l'air... Sting. Oui, c'est Sting. Ah ben alors, j'aurais pas reconnu ça. Et quoi. Sur l'air, donc, de son titre... Pardon, j'allais dire une connerie. Don't stand so close to me. Et ce qui lui a valu la mention de... Ben, il est co-cité, on va dire, sur le titre, en fait. Allez, voilà. Bon, on s'écoute ça. C'est parti. On le repassera. Excuse-moi, je me permets. Oui. On rappelle quand même qu'à l'époque. Alors, c'est en quelle année que c'est sorti? Oui. Alors, t'inquiète, Flipkat, toi, t'entends le truc, mais moi, je suis en pré-écoute, t'inquiète. D'accord, ok. Sorti en quelle année? Oui. Le monsieur te demande, c'est sorti en quelle année? Parce que j'avais en pré-écoute. Ouais, non, mais je me doute. Parce que ça a été une vraie révolution. Oui, parce 86. Que c'était le clip en le numérique. Premier clip en numérique. C'était le premier clip où on avait fait les personnages en numérique. Alors, j'allais on regarde dire. Aujourd'hui, ça à mourir de rire, puisque tous les personnages sont carrés, machin. Mais c'est le premier clip numérique quand même. Hein. Oui, absolument. Oui, absolument. Là, on entend un peu la voix de Sting. Ouais, 86, si. Alors, fin 85. Si on écoute bien, on entend un peu la voix de Sting. Voilà. Ça, c'est Sting qu'on entend en fond. Ouais. Donc, quand il fait les envolées, c'est Sting. C'est Sting. Alors. Ah, ok. C'est Sting, ouais. Voilà. Alors, donc, comme tu l'as mentionné, Harry, effectivement, faut savoir que le clip qui est sorti la même année, Money for Nothing, a été l'un des premiers clips à utiliser effectivement les images de synthèse créées par ordinateur. Ouais. C'était une véritable. Aujourd'hui, ça. Oui, oui. C'est moche. Mais ça, mais... Tu sais quoi, ça mais me fait ça penser. Fait plaisir de le revoir, quoi. Mais dans les couleurs, les tonalités de couleurs, et peut-être même les personnages à Minecraft. Oui, ouais, exact. Ouais, voilà. Ouais. Mon gamin est fan de, c'est vrai, de ouais. ça. C'est hein. la mais de tout ça. À l'époque, il y avait également Def Leppard qui avait sorti un titre comme ça. C'était rock quelque chose. Le titre, je l'ai plus en tête, mais je sais que le clip c'était aussi avec un garçon en image de synthèse. Il y a quelques groupes. C'était assez moche, quoi, mais pour l'époque, c'était révolutionnaire. Il y a quelques groupes qui reviennent pour une question de coût, hein, je suppose pour la mise en scène, pour les participants, tous ceux qui peuvent figurer dans un clip, qui refont ce type de vidéoclip en dessin animé, mais qui ressemblent plutôt effectivement des images de synthèse. Ouais. Bah, entre nous, on s'est éclaté sur Space Invader, donc. Et oui, oui. Je veux dire, vous vous rappelez quand même du jeu. Alain, tu te rappelles quand même de Space Invader? Oui, bah, c'est lui qui l'a créé d'ailleurs. Hein. C'est Alain qui l'a créé. Lui, c'était Space. On s'est dans les corons. Voilà, dans les corons, absolument. C'était le Ch'ti Space. Exactement. Le cheesecake et le Ch'ti Space. Alors, pour terminer, évidemment, donc on avait dit là, on est arrivé à 86. Il faut savoir que le groupe est épuisé par le gigantisme de la tournée Brothers in Arms. Hein, puisqu'ils avaient quand même fait 248 concerts donnés dans 117 villes entre avril 85 et avril 86. C'est dire le. Ils ont bossé, hein. Ouais. Ah, c'est vrai. Alors les membres du groupe décident de se séparer en 86 et de faire une pause. C'était l'occasion donnée pour Mark Knopfler de travailler sur d'autres projets, entre autres des carrières solo. Alors il y a eu un best-of qui a été édité en 88, qui a marqué les 10 ans d'existence de la formation. Reformation officielle l'année suivante, 89, après une pause, et un album avec les Notting Hillbillies, dans lequel on trouvait Roy Orbison et un des Tom Roy Petty. Orbison, Roy Orbison, il Tom était Petty. Tout jeune, hein, à mon avis. Et Tom Petty. Voilà. Ouais. Ah ouais, parce que Roy Orbison, c'est bien. Ouais, il est décédé peu de temps après. Ah ouais. Oui, tout à fait. Oui. Ah, oh. Il est décédé peu de temps après. Ouais. Voilà. Il est décédé en 89, je crois. 89, ouais, un an après, puisqu'il était question d'un projet d'un deuxième album. Voilà. Ah ouais. Et le quatrième membre, je ne sais plus, mais sinon avec Tom Petty. C'est pas mal, mais c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude quand on connaît Dire Straits, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour les Notting Hillbillies. L'aventure d'Alice Threads repart en 90 et le groupe se lance dans l'enregistrement d'un nouvel album avec On Every Street, hein, publié finalement seulement en 91 avec le célèbre titre, on en parlait tout à l'heure, et je pense que c'est celui-là. Brothers donc... in Arms. Non. Ah. Calling Elvis. Calling Elvis. Ah oui. Ah bah oui. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, time I was calling, just to wish you well. Let me leave my number, I'll break hotel. Oh, lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender. Drinking like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Did you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis. Alors on arrive tout doucement sur la fin, puisque là donc on est en 91 avec ce titre Calling Elvis. Hein, donc, la chanson est basée uniquement, le phrasé, les paroles, pardon, sont faites uniquement de titres de chansons d'Elvis. Ah oui, oui. Et tu nous en avais, l'avais déjà faite cette chronique, oui. Je pense. Oui, oui, je me rappelle. Absolument. Alors, évidemment, le groupe se sépare officiellement et définitivement en 95, et Mark Knopfler, au bout du rouleau, qui déclare ne plus vouloir, c'est ce qu'il déclare à l'époque, entendre parler de Dire Straits pendant au moins 10 ans. Quand on fait le calcul, il a bien tenu le coup, puisqu'il a refait surface en 2015, ont sorti un album. Sinon, donc, le groupe s'est séparé un petit peu avant, déjà en 93, bien que le contrat, effectivement, ne prenait fin officiellement qu'en 95. À savoir que Mark Knopfler a sorti en 2015 un album qui s'appelle Tracker. Et en fin de compte, même si c'est un album solo, on retrouve beaucoup de l'empreinte de Dire Straits. Ça vaut le détour. Voilà. Bah, c'était principalement lui aussi qui écrivait... et la musique et les textes. Hein, donc absolument, avec son frère. Ouais. Son frère d'ailleurs a essayé lui-même de son côté de faire une carrière solo, mais il n'a pas la notoriété de son frangin. Son frère qui a fêté son anniversaire le 27 décembre dernier. C'est bien possible. On a l'impression d'être dans l'émission Les Grosses Têtes, je te promets. T'as Alain et Canon qui font oui, le frère d'ailleurs, d'ailleurs Shreds. Oh là là là. C'était son frère d'ailleurs. Ouais. C'était son frère d'ailleurs Shreds. C'était l'émission nulle part d'ailleurs. Alain, je vais l'appeler Péroni. Et ma bille, c'est qui alors? Et ma bille, c'est Canon. D'habitude, c'est ma boule. Moi. Bon. écoute, merci beaucoup pour cette chronique. Et t'as vu ça? Et tu nous as fait ça en 7 minutes. Et t'as fait non, ça, mais comme un chef. Minutes. En 7 minutes et 30 secondes, t'exagères quand même. Mais, t'as fait mais ça c'était hyper passionnant en tout cas. C'est vrai, des choses, et on apprend des choses. On redécouvre en fait plein de choses, bravo. Elle est merci. Bien ta chronique. Tu vois, eh ben ouais, merci. Et sincèrement, à chaque fois, il veut qu'on le félicite et tout ça. Nous, non, on n'arrive pas non. à le faire parce que ben voilà, c'est tout. Parce que nous, on pense que c'est ton métier. Et non, mais et j'aime bien, ça moi, bien. Quand ça peut intéresser des gens, ça me fait. J'ai toujours beaucoup de plaisir à partager une. Transmettre pas une passion, mais c'est, partager les. Et ça, c'est ce qui me. C'est une chronique passionnante, en tout cas. Bien sûr. Et c'est vrai, ça y est, les couples se forment. J'ai envie quand je te disais qu'elle allait t'introduire. Bon, par contre, les gars, alors merci Flip 4 pour cette chronique, évidemment, sur Dire Straits. Moi, ce que je vous propose, on va se faire une coupure musicale, évidemment. On va se retrouver parce qu'il reste très peu de temps pour les sorties Cinoche. Tu vas nous parler de sorties Cinoche, évidemment, Sherlock. Oui, bien sûr. Et ben, on va se faire plaisir. On va demander, allez, au hasard, Anna, un titre de Soleil des Hauts-de-France. Lequel peut-on passer maintenant? Et ben, comme on est dans le cadre de la fête, oui. On va passer à la Ducasse, parce que la Ducasse, c'est commun à la Belgique et aux Hauts-de-France. C'est la fête au village. Et... Ah, attention, parce que dans certaines régions, la Ducasse ne veut, ça veut pas dire la même chose. En Belgique, une Ducasse, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est une Ducasse en Belgique? Bah, c'est plutôt une fête. C'est, moins forain. Y a pas, c'est un rassemblement, c'est voilà. Comme en France. En France, il y a des manèges. Il y a des manèges. Oui, mais il n'y a pas de manège. Il y a pas de manège. Mais là, il n'y a pas de manège. Justement, il y a pas de. Tu vas à la Ducasse du Petit Courtrai, il y a pas de manège. Ah ouais. C'est plus une fête de village, on va dire. Mais là aussi, puisque la Ducasse aussi, il y a un chapiteau où les gens prennent. C'est ça. Des choses comme ça. En France, c'est comme ça aussi, hein, la Ducasse. Hein. Ouais, mais il y a un bar. Je me permets, je surprends, c'est vrai qu'on allait à Ducasse, c'est la foire au manège, dans le nord. Enfin, ouais, moi, ouais, nord, ouais, si, on allait à la Ducasse avec les enfants. C'est peut-être par défaut, alors je sais pas. La vraie définition de la Ducasse, c'est au niveau de notre région, c'est la fête communale. Donc la fête d'accord, communale qui reprend, qui peut reprendre effectivement les manèges. Et c'est complètement picard ça. Hein. Et c'est picard. C'est originaire de Picardie, donc des Hauts-de-France, du haut là, vers Paris, quoi, vers la Picardie. Non, du bas alors. Ouais. Du bas des Hauts-de-France. Oui, voilà, picard, mais nous on a le picon, ouais. Monsieur. Ouais. On a le picon, nous. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de commun, parce que au-delà de ça, ça permet aux gens de se rencontrer. Et aujourd'hui, on est dans une société où des fois, les voisins ne se voient même plus. Et la Ducasse, c'est un moment dans l'année où on peut boire un coup avec son voisin, où on peut trinquer, et on peut rencontrer des gens. Mais nous, on n'attend pas la Ducasse pour boire discuter. Un coup. Voilà, hein. On le fait tous les jours. Hein. Nous, okay. Non. Mais, moi, je suis désolé, ma voisine, je la regarde hein, tous les matins. Et c'est pour ça que j'ai voulu remettre cette chanson, parce que c'est indispensable que les gens communiquent physiquement et non pas uniquement par internet. Et la Ducasse c'est un mot qui avait été repris par Jean-Claude Darnal, qui était un auteur du Nord et qui a écrit beaucoup pour Raoul de Godzarzel. Tout à fait. Voilà. Ah, oui. Tout à fait. Et je voulais le citer tout à l'heure, puisqu'on avait cité le Montagnard, mais qui fait partie aussi du folklore, hein, des chansons ch'tis. Raoul de Godzarzel, qui était d'ailleurs l'idole de Ronnie Cooter. Francis Delbert, ouais. De son voilà. Nom. Voilà. Oui, et qui s'est pendu comme Raoul de Godzarzel. Ouais, et le fils d'ailleurs, qui est le directeur de l'Olympia. Qui était directeur de l'Olympia. Et moi, j'ai Arnaud Delbert, qui était au Zénith. Il est revenu au Zénith. Il est revenu à Sailly-sur-la-Liste. Ah, d'accord, ok. Sa patrie d'origine, on va dire. Non, il n'est plus directeur de l'Olympia. Arnaud est sur d'autres projets. Il prépare quelques petits projets bien sympas, mais vous allez en entendre parler prochainement. Avec Stokes, notamment, je le connais bien. Ah bah oui, Stokes. Parce que dans mon album, j'ai écrit une chanson en hommage à Raoul. Tu devrais peut-être la présenter à son fils. Tu sais quoi, on va l'écouter. Ouais. Pourquoi on va l'écouter, parce que c'est ce que je proposais justement, c'est d'écouter un titre évidemment d'Alain le chanteur et un des tiens. Et du coup, si tu veux cet hommage à Raoul, on va faire un plaisir de l'écouter. Pourquoi aussi. Pourquoi pas? Bah oui. Voilà. Et donc, soyons fous, puisque ce soir c'est quand même une soirée un peu festive et un peu ch'ti, un peu régionale. Qu'est-ce que t'en penses, Sherlock? On fait comme ça? Oui, ça marche. Et on reviendra après avec un troisième titre qui a aussi référence à la fête foraine et tout ça. Ouais. C'est Peter Gabriel avec Sledgehammer. Ah. Eh ben, ça marche. Alors, tu parlais c'est pas ch'ti, ça. Hein. Non, c'est pas ch'ti du tout. Alors, par contre, évidemment, vous me parliez des Stokes. Je suis obligé de vous en parler, puisqu'on va recevoir, évidemment, Christophe Marquini d'ici quelques semaines. Ah ouais. Donc, avec qui j'ai eu des contacts. Donc, Christophe qui viendra... Que je salue, d'ailleurs, Christophe, parce que... Ah, bah voilà. petite anecdote. Quand j'enregistrais à la période à Laval, donc j'ai enregistré chez Feeling à Tourcoing mon album Philippe Dessereux. Donc, bien sûr. Et donc, moi, j'avais enregistré les sessions de fin août. Et juste après, c'est Christophe qui a enregistré son album. Voilà. Donc, c'est prévu. Christophe, qui est d'ailleurs son dernier album. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais on l'a. Il est dans les bacs, là, mais Christophe, c'est prévu qu'il vienne nous faire un petit coucou d'ici quelques semaines. Voilà. Donc, on va écouter ça. Donc, on va écouter. À la ton côté. Et moi, je vais ajouter quelque chose, puisqu'il y a 15 jours, j'ai mangé avec Bobby Lucchini, qui était le batteur des Stocks hein, ouais. Qui a aujourd'hui, hein, qui s'est reconverti un peu dans la restauration et qui a une petite affaire sur Isberg qui s'appelle Les Sept Îles. Et je vous invite à y aller. Parce qu'il y a iceberg, il y a un plan d'eau, etc. Voilà, c'est pas très loin. Iceberg, c'est pas très loin de Béthune et tout. Et donc Bobby Lucchini est là-bas. Et donc, si vous voulez vous remémorer la période Stocks, notamment, c'est pas dans le bistrot de Suzy, là, c'est aux Sept Îles, iceberg. Ah bah écoute, ça marche. Et donc on va écouter ça et on va écouter donc un extrait donc de l'album de Jean-Mi. Rappelle-nous le titre. C'est... À toi Raoul. À toi Raoul. Eh ben allons-y. Voilà. Et puis derrière, tu enchaînes avec Peter Gabriel et Sledgehammer. Et ça suit vraiment bien. C'est vachement mieux. Mais non, mais c'est vachement mieux. Il devrait faire DJ. Eh ben voilà. Bah écoute, j'y pense. Il fait le défi mix, mais alors. Allez, mets-nous de la musique. Allez, c'est parti. À la Ducasse, in my village. Elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse, et de ma village, elle rigole bien, et elle beau bien. Chaque commerce dimanche, au matin de bonne heure, j'ai des jus de javelot, et d'un cours de j'bistrot, j'attire et j'appointe, d'un gros cul de javelot, pour marquer les points, et puis gagner le gros lot. À la Ducasse, et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse, et de ma village, elle rigole bien, et un beau bien. Et puis v'là le midi, qui arrive bien vite, l'heure de l'apéro, lâchez pas trop tôt, un va vite remplir, et se pencher de liquide. Pour un gros délire, complètement barjot. À la Ducasse, et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse, et de ma village, elle rigole bien, et un beau bien. Et le soir au bal, j'm'en va vivre Georgette, ma tchotte voisinette, pour faire avec elle, un brin de Cosette, j'y touche sa minette, et puis sa sonnette, avant de faire dansette. À la Ducasse, et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse, et de ma village, elle rigole bien, et un beau bien. Mon Dieu qu'il est tard, elle a bien dansé, elle a bien chuché, et su fatiguée, va bientôt rentrer, et tant dire au revoir, et puis laisse promettre d'arriver l'année qui vient. À la Ducasse, et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse, et de ma village, elle rigole bien, et un beau bien. De l'endroit où je suis, je vous entends chanter. dans les bals, les Ducasse où j'ai tant fait danser. Quand la bière coule à flot, au chant des capenoules, demeure bien présente la gouaille de Raoul. Moi qui suis tout là-haut, dans mon éternité, j'observe mon pays où rien n'a trop changé. Les falaises du Grinet sont juste un peu plus noires, les engrais, les déchets recouvrent mon terroir. Les marins d'eau de Recel, des deux caps à 800, ne sortent plus en mer, les flots bas sont gisants. Les industries du Nord sont toujours sinistrées, mais la fête bat son plein au cœur de nos cités. De l'endroit où je suis, je vous entends chanter. Dans les bals, les Ducasse, où j'ai tant fait danser. Quand la bière coule à flot, au chant des capenoules, demeure bien présente la gouaille de Raoul. J'ai pas perdu le nord, comme disait ma chanson, et même dans mon sommeil bat le cœur de Ninon. Que la mer se retire ou qu'elle soit déchaînée, il y a toujours un Léonce et un lieu pour trinquer. Avec Brel et Rony, Brassens, tous mes copains et tous les saltimbanques qui depuis m'ont rejoint. De notre panthéon, paradis de la chanson, je vous offre ces vers sur un air de flonflon. De l'endroit où je suis, je vous entends chanter. Dans les bals, les Ducasse où j'ai tant fait danser. Quand la bière coule à flot, au chant des capenoules, demeure bien présente la gouaille de Raoul. De l'endroit où je suis, je vous entends chanter. Dans les bals, les Ducasse où j'ai tant fait danser. Quand la bière coule à flot, au chant des capenoules, demeure bien présente la gouaille de Raoul. Salut les gars, les filles, c'est Richard Gottener dans les écoutilles. Retrouvez-nous avec Harry sur RQC dans 80 à l'heure. Je compte sur vous. Salut les gars. Ciao. Et salut les filles. Alors, nous écoutions Sledgehammer, alors tout le monde le connaît évidemment, Peter Gabriel, mais juste avant, on a écouté donc. Ah, je pensais que c'était Genesis, son nom. J'aurais pu. Son nom de famille, c'était Peter Gabriel, je pensais que c'était pour son prénom et Genesis. Alors, mais alors, Peter Gabriel n'a pas été le chanteur de Genesis, hein. Je crois que c'était Phil Collins. Non. Non, il était batteur. Au début, c'était Peter Gabriel le chanteur. Ils se sont un peu frités avec. Exactement. Donc c'était vraiment avec Peter Gabriel qui était le chanteur de Genesis. Comme ils n'ont pas trouvé de remplaçant au final, et même Phil Collins qui n'était pas trop chaud pour, on gardait Phil Collins au chant. Il n'était pas trop chaud pour. Parce que tous les chanteurs qui ont pu défiler pour les auditions ne faisaient pas l'affaire. Ça marchait pas. Quand Phil Collins a fait sa caresse solo, ils ont recherché encore un autre chanteur. Alors, j'ai plus le nom. Il était. Il est aussi assez. Alain connu. Val, peut-être, Jean-Michel non Non, c'est pas non. ça. Non, Jean-Michel Leleu, non, peut-être, ouais. Mais il était aussi assez connu, mais par contre, ça a pas duré. Ça a fait un album et basta. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir Peter Gabriel en concert? Eh ben non. Moi, je l'ai vu. Alors, terrible quand même. Peter Gabriel. Ah, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. J'ai vu le spectacle avec l'arbre et quand ils finissent le spectacle dans la valise. Alors, non. Moi, je suis allé à Touroute. C'était à l'époque du festival de Touroute, donc c'était un peu plus minimaliste, mais. Je découvrais Peter Gabriel parce que je connaissais même pas cette chanson, je ne savais pas qui c'était d'ailleurs. C'est énorme. Franchement, j'avoue, c'est énorme. Peter Gabriel est énorme, comme Alain le chanteur d'ailleurs, qui était énorme au niveau du talent, hein, on est bien d'accord. Comme Jean-Mi aussi également, qui est énorme au niveau du talent. Chansonnier, compositeur, chanteur, ventriloque, sculpteur. Alors, sculpteur, justement, parlons rapidement, Jean-Mi, parce que sculpteur, ça veut dire. Qu'est-ce que tu fais pas en fait? Je suis pas vraiment sculpteur, je suis modeleur. Ça veut dire que je travaille la terre et puis après je la cuis, quoi. Donc c'est du modelage, ce qu'on appelle du modelage. Mais en sculpture, on va dire que c'est quand même de la sculpture. Je fais surtout des personnages un peu Poulbeau, un peu Paris, comme mon personnage en fait. Comme je suis moi. Des personnages un peu le titi parisien, quoi. Je suis complètement un titi, moi. Et d'ailleurs, je suis en train de mettre en place un spectacle avec un accordoniste, avec des chansons sur Paris, sur le Nord, entre ma Flandre et Paris, où je mets en avant donc toute cette culture d'antan qui est Montmartre. Voilà, j'adore Montmartre. Et j'avais un grand-père qui était peintre. Comment? C'est le seul titi qui aime les gros minous. Heureusement, il n'a pas de micro, Jean-Mi, je te rassure. D'accord. Je vous raconterai après les auditeurs. D'accord. Donc, il y a un spectacle en préparation? Alors, il y a un spectacle en préparation sur justement Paris, sur entre ma Flandre et Paris, avec un accordéoniste, où il y aura plus ou moins 15-20 chansons, notamment quelques compositions personnelles, mais aussi les grands standards de Paris sur la butte, Montmartre, les quelques chansons du Nord, etc. Et on va faire un truc un peu sympa quoi, là-dessus. Il y aura le proctologue ou pas ? Content. Le proctologue ne sera pas présent dans ce tour de chant. Il n'est pas tout à fait d'actualité. C'est pas fait chier, il n'y aura pas le proctologue. C'est pas un spectacle de trou du cul. Hein. Va savoir. Voilà. Alain, pareil, évidemment. Donc, Alain, alors, c'est le Ch'ti Tour, parce que c'est vrai qu'on n'en parlait pas tout à l'heure, mais le spectacle s'appelle le Ch'ti Tour. Voilà, tout à fait. Donc, le Ch'ti Tour 2017. Hein, donc, un spectacle qui dure à peu près une heure et demie et modulable, hein, avec de la chanson festive. On est là pour s'amuser, avec de la variété française, hein, des reprises, avec de la chanson du Nord aussi, mes propres chansons. Voilà. Alors, ça, c'est pour les podiums, pour les galas, les soirées dansantes, etc. Il est vraiment modulable, mon spectacle. Et donc, voilà. Voilà, j'appelle les associations, les mairies, etc. Voilà, m'appeler. Hein. On me retrouve Alain Chanteur sur mon site, alainchanteur.com. Il y a un contact, voilà. Eh bien, écoute, et c'est toi. Et c'est moi. Ça tombe très bien. Jean-Mi, pour te retrouver? Eh bien, on tape sur Google Jean-Michel Leleu, on tape, je sais pas moi, sur Facebook Jean-Michel Leleu, on demande Charlie Jean-Mi et compagnie et on me retrouve facilement. Voilà, et c'est marrant parce que tu sois là maintenant, c'est que tout à l'heure, par hasard, j'étais sur Facebook, je suis tombé sur une de tes vidéos. Laquelle? Eh ben, je ne sais plus. Celle où tu te mets tout nu et que tu lances sur une table. Sérieux, et c'est curieux que tu sois là parce que... Ou chanter ta yo-yo, tu vois. Non, non, je t'explique. Alors, je suis un peu, démuni techniquement. C'est que j'ai un PC avec de la vidéo, mais pas de son. Donc, j'ai vu la vidéo qui alors tournait. Alors, tu n'as rien perdu. Ben non, non, non, mais sérieux. Donc, je fais flip 4. Ben non, non, mais je me moque pas, c'est vrai. J'ai pas de son sur mon PC. Donc, j'ai vu la vidéo tourner. J'ai dit, tiens, Jean-Mi. Et j'ai repensé à toi parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il faut qu'on l'invite. Et évidemment, on va t'inviter, on va se prendre rendez-vous oui, juste avant de se quitter. Si tu veux bien, oui. Ah bah bien sûr, il va falloir que tu viennes prendre. Avec Charlie. Oui, ah oui, avec plaisir, ah oui, oui, avec Charlie. Avec alors c'est pas radiophonique non. Malheureusement, mais ça va être mais super sympa. Mais on fera sympa. Quelques lives Facebook. Mais Canon, s'il Canon, faut, va, nous, Canon. Va nous filmer tout ça parce que bah, ça si va être sympa. Je prendrai de quoi filmer. Bien sûr, de quoi filmer pour que tout le monde le voit. Avec plaisir, oui. Alors, il nous reste vous restez encore avec nous quelques minutes. Avant d'écouter donc deux titres encore, évidemment encore, je dis encore parce que ça nous fait plaisir, de Alain le chanteur et de Jean-Mi, il y a la chronique Sinoche de Sherlock. Alors il essaye chaque semaine, il s'époumonne à chaque fois pour essayer de nous faire sortir au cinéma, c'est pas évident. Hein, il va nous raconter, il va nous parler de quelques films qu'il a envie d'aller voir. Oui. J'espère qu'il va vous donner aussi envie d'y aller. Ben j'espère. Alors bon, j'ai toujours pas de jingle parce que forcément c'était sur ma clé qui ne passe Canon, pas. Canon, il va le faire, vas-y. C'est pas grave. Voilà. Ça c'est Choui. Attends, princesse Léa. Avec Yann Solo. Ah oui, c'est vrai. Et je rappelle qu'après, évidemment, donc, les sorties Sinoche de notre ami Sherlock, on va prendre un petit peu de temps, mais 5 minutes, pas plus. Il y a l'histoire de la carotte de notre c'est ami vrai, Jean-Mi. Oui, hein. Oui, bah oui, bah, tiens, on l'a alors, pas oublié. Hein. Tu penses bien. Je vais commencer bien. Tout de suite donc, avec un film qui sort en Belgique demain, qui est sorti déjà le 15 février en France. C'est Rock'n'Roll avec Guillaume Canet, Marion Cotillard et Gilles Lelouch. Ouais, c'est un film de Guillaume Canet. J'ai vu les bandes annonces, je me suis poilé. Franchement, je suis vraiment pas Guillaume Canet, c'est pas mon trip. Guillaume Canet dans son propre rôle. Ouais. Alors voilà. C'est vrai. Ouais, il joue son propre rôle. Marion Cotillard joue son propre rôle, mais alors elle est complètement déjantée. Ils sont ensemble là, on est d'accord. Ouais, ils sont ensemble, ils sont mariés et tout ça. En fait, Guillaume Canet donc a 43 ans et il est épanoui dans sa vie. Il a tout pour être heureux, sauf que sur un tournage, il y a une jolie comédienne de 20 ans qui lui dit en gros que il est pas rock, quoi. Il est plan-plan, enfin il est marié, il est plus dans la fucking list qu'on appelle. Hein. Donc les acteurs. Tu peux expliquer un peu c'est quoi la fucking list? Alors la fucking list, c'est la liste des acteurs avec lesquels on a envie de coucher. Et donc lui, il a baissé dans cette liste. Et il décide de redevenir rock'n'roll et il pète complètement un plomb en faisant un peu du grand n'importe quoi. Marion Cotillard, donc sa femme, se demande quoi. Lui, il lui dit que c'est pour un rôle, mais elle aussi est en train de bosser un rôle. Mais... Elle est aussi sa femme dans la vie d'ailleurs. Ouais, crois. Ouais, ça. Ouais, mais alors le truc, c'est qu'elle est en train de bosser sur un accent québécois. Ouais, mais lui parle tout en québécois pendant le film et on comprend rien. C'est même sous-titré dans le film tellement c'est incompréhensible. Mais c'est bon, franchement. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit. Non, mais c'est français, ça me fait peur. Putain, mais j'ai envie de le voir celui-là. J'ai vu la bande-annonce et franchement, ça a l'air. Et ouais, je me suis dit putain, ouais. C'est excellent. Ça doit être un bon moment. Justement, enfin, c'est parce que justement j'en ai entendu parler brièvement, j'ai pas vu d'extrait. Pourquoi le titre rock'n'roll? Parce que justement il est pas rock'n'roll et il va redevenir. Il essaye de redevenir rock'n'roll. Ouais, enfin, c'est un peu le côté péjoratif du mot rock'n'roll, quoi, tu vois le truc. Au perché, quoi. Ouais, ça c'est. Se remettre dans la fucking list, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite sort demain en Belgique et en France le film John Wick 2, c'est avec Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, donc qui jouait également dans Matrix avec lui, et Ruby Rose, c'est un film de Chad Stahelski. Et donc c'est John Wick qui est forcé de sortir de sa retraite volontaire, parce que lui c'est un ex-tueur à gages, et on lui donne une sorte de mission un peu forcée, c'est d'aller à Rome, et il va devoir affronter d'autres tueurs donc les tueurs les plus dangereux du monde. D'accord. C'est un bon film d'action. Le premier ça était déjà tellement de scénarios. Enfin, le premier était déjà bon avec Keanu Reeves. Il y avait un premier. Oui, c'est le deux, donc forcément. L'acteur est très très bon. C'est filmé avec des c'est vraiment des films d'action, c'est des blockbusters. C'est John Wick, c'est vraiment un sacré film. John Wick, il est sorti il y a 2 ans, je pense à peu près. Et, déjà à l'époque, j'aime pas genre, il était vraiment. Ouais, pas mal. J'aime pas ce genre de film non plus, mais tu vois, tu te mets dans le canapé, tu te mets ça et tu te mets ça. Enfin, passe le doigt qui vient. Faire ça, tu te le gardes et il te reste une canette si tu veux, mais par contre, il se marre quand même. Les audits, c'est très radieux. Continue, ouais. Alors, donc, ensuite sort également en France et en Belgique demain, Si j'étais un homme, avec Audrey Dana, Christian Clavier, Eric Almosnino. C'est un film de Audrey Dana. Donc, qui n'a jamais imaginé ce que ça ferait d'être dans la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu'une journée? Eh bien, pas Jeanne. Jeanne, c'est l'héroïne du film. Fraîchement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur deux. Pour elle, les mecs, c'est fini. Elle ne veut plus jamais en entendre parler. Mais un beau matin, sa vie s'apprête à prendre un drôle de tournant. À première vue, rien n'a changé chez elle. À un détail près. Oh là. Un pénis. C'est ça. Un pénis a poussé. Elle se demande comment. Donc, Christian Clavier, c'est un peu le médecin, quoi, mais qui est aussi un peu dépassé. Ouais. Et ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air d'être un scénario à la con, quoi. Mais je pense que c'est. Les bandes annonces sont pas mal aussi. Je trouve que c'est bien quand même de pouvoir un jour se transposer dans la peau du sexe opposé, quoi. Parce qu'on ne sait pas quand nous on a des réactions de mec, enfin en tant que mec, mais c'est intéressant aussi de savoir comment la femme réagit à une relation, à une vie, etc. C'est pas faux. Je crois que ça peut être on bien. On pourrait lancer un débat, c'est pas sais, faux. Tu mais sais que oui. Moi, je suis très souvent sous la peau du sexe opposé. Ah ouais. Mais il y a beaucoup de films qui sont sortis. Il y a Alain qui regarde l'heure qui dit « On peut dire des cochoncetés ?» Alors, il y a beaucoup de films qui sont sortis avec... Non, mais parce qu'Alain, il va se préparer à dire des choses. Je suis même étonné, Jean-Michel, pour une fois, que t'aies pas dit un gros mot. Non, mais alors il y a pas mal de films qui sont sortis avec des hommes qui se travestissaient en femmes. Ouais. Y a rarement de films avec des femmes qui se travestissent en hommes. Là, elle se travestit pas, elle a vraiment un pénis qui a poussé. Ouais. Donc ça amène pas mal de quiproquos. Ça te fait rêver ? Ils disent ça, hein, mais moi, il y a une chose où j'interviens. Ils disent jamais un film n'a traité ce sujet. Faux. Balasco. Oui. Mais elle avait Pas de pénis, Balasco. Elle se transforme et qu'à un moment, elle prend Auteuil, non pas Auteuil, ou je sais plus. Dans Gazon Maudit. Etc. Excellent, le mec, il lui dit, excellent. En fumant son truc, il excellent. Dit comme ça, je sais ce qui a toujours manqué à une femme, etc. Oui, mais elle le met pas, c'est un pénis. Pas, oui. Voilà. Et ça, c'est vraiment la scène d'anthologie où ça a été... Elle n'a pas de sexe dans le film. Elle n'a pas de sexe dans le film. Ah oui, elle n'a pas. Il y a aussi Si, puisqu'à un moment, ils font l'amour et le mec lui dit... Oui, c'est subjectif, mais je veux dire, on a bien compris qu'à un moment, on la voit, le truc pousse, et on a bien compris que justement, pour se venger, l'autre, il ramasse. Il y a aussi Bigard qui vient de mettre en scène un spectacle où, en première partie, il est en femme. Et donc, c'est assez intéressant. Quand même. Harry aussi. Harry l'a fait il y a... Avec une super grosse. Dans Andrew Sister. Avec une belle robe rouge, je vais... les ongles et tout. Hein, Je vais regarder ça. Ah si, j'aime bien Bigard. Tu veux les petits gâteaux, le café? Allez, vas-y. Pour une fois que j'interviens. C'est vrai. Et donc je vais finir avec un film qui s'appelle Split. C'est avec James McAvoy. Donc ceux qui connaissent les X-Men, c'est. J'adore ces gâteaux. C'est le professeur Xavier Jeune. Les Split, j'adore. C'est des super bons gâteaux. Des Split. C'est bon, c'est pas pareil. Là, c'est Split avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy et Betty Buckley. C'est un film de M. Night Shyamalan. Ah, tiens, il revient, lui. Ouais, donc ça sort. J'espère qu'il va pas nous décevoir cette fois-ci. Eh ben, écoute. Au vu de la bande-annonce, franchement, j'ai vraiment envie de le voir. Ouais. C'est James McAvoy, donc, qui s'appelle Kevin, qui a révélé 23 personnalités différentes. Donc, il est... avec des attributs... Quoi. Alors, ouais. Mais alors, avec des attributs différents pour chacune de ses personnalités. Donc, si c'est un mec qui est plus baraqué, apparemment, son corps prend également un peu de volume. Et donc, un peu comme toi, quoi. C'est ça. Bah, quoi, il est baraqué. Ouais. Sérieux, si, j'ai des abdos de comptoir. Il y a un abdominable. J'ai un abdominable. Alors donc, à sa psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, il a déjà montré ses 23 personnalités, mais l'une d'elles reste enfouie au plus profond de lui et elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres, poussée à kidnapper 3 adolescentes, dont la jeune Kazé, aussi déterminée aussi déterminé pardon, que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair le foyer d'une guerre que se livrent ses multiples personnalités. Donc on va découvrir un petit peu ça les personnalités différentes. J'ai pas tout compris. C'est un thriller, c'est assez sombre, mais franchement, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Si c'est du pur Night Shyamalan, ça peut être bon. Bah, si c'est bien tourné et que tu vois vraiment le combat entre tous les personnages, et tout ça, ça doit être intéressant. Bah, il joue le rôle du... Alors, dedans, il joue le rôle d'une femme. Ouais. Il joue le rôle d'un enfant de 9 ans. Il joue plusieurs rôles, quoi, mais on voit vraiment les différences, on va dire, physiques entre, les différentes personnalités. Donc, ça m'a l'air vraiment sympa. Eh bien, on va faire un tour de table et on va commencer par notre ami Jean-Mi. Est-ce qu'il t'a donné envie d'aller au cinéma? Non, qu'est-ce que tu aurais envie d'aller voir? Oui, bah avec le premier film avec Canet, j'adorais quoi. Ah ouais, d'accord. Rock'n'roll, ouais. Moi, j'aime bien Rock'n'roll, oui, oui. Ok. Complètement là. Alain? Alors moi, le film avec Canet, bien sûr. Moi, j'ajouterais un film à voir qui sort demain en salle, hein, notamment en France. C'est un film qui se passe à Hénin-Beaumont et qui s'appelle Chez nous. Ouais. Ah oui, ouais. Bravo. C'est bien que tu en parles. Je vous invite donc à aller un voir film ce film de la région alors. Un ouais. film qui a été tourné dans la région à Hénin-Beaumont et qui nous fait eh bien qui nous montre un peu comment le Front National monte son opération quoi, voilà. Et je vous invite à très regarder. Engagé comme film alors. Je vous c'est un film engagé mais c'est pas un film vraiment politique sur le Front National ou contre le Front National pour le Front. C'est juste un peuple français qui comment parti politique peut enrôler des gens voilà et donc et je vous invite à aller voir je me souviens plus des acteurs mais c'est des acteurs connus qui jouent dedans et il sort demain en France et il y a Jean-Marie il y a Marie non c'est, ben oui justement il y a pas du tout ça. Non mais c'est pas ça non, mais les personnages sont assez ressemblants. Ah ouais. Oui. Je crois que c'est. C'est pas un film de propagande en tout cas. Jacob qui joue le rôle. Oui, oui. Ah d'accord. Okay. C'est pas un film de propagande pour le Front National. Non. Mais j'ai bien compris évidemment. Bien sûr que non. Alors Alain, je te demande un petit service. Tu fais quoi la semaine prochaine? Je fais du vélo. D'accord, mais sinon, mardi soir, est-ce que t'as pas envie de nous faire une chronique Cinoche? Non, mais je trouve qu'elle est intéressante, sa chronique Cinoche. Il y a André Dussolier qui joue dedans. Oui, et oui, oui, exactement. Oui, exactement. Voilà. Émilie Dequesne, voilà. Belge d'ailleurs. Oui, oui, oui, voilà. Et donc, c'est un film à voir impérativement. Non, c'est bien que tu en parles, il est bien sûr. Enfin, j'ai vu quelques... Eh ben écoute, voilà, ok, ça marche. Onissa, t'irais voir quoi? Moi, j'irai voir le dernier, avec les personnages qui se... Qui se combattent, ça j'aime bien. Ouais. Shyamalan, moi j'ai beaucoup aimé tous les films qu'il a fait depuis le Sixième Sens, ouais. Signe, Incassable. Le Village, ouais. Après, il a fait n'importe quoi, j'ai trouvé. Le Village, je l'ai trouvé pourri. Ouais, ouais, franchement. Je sais plus, ceux où tous les mecs se jetaient des toits, j'ai pas trouvé terrible non plus. Non, c'est clair, mais j'espère que. Non, mais là, que... si c'est bien, allez, si c'est bien. Allez, fait, pourquoi pas. Canon, tu vas voir quoi? John Wick et Split. D'accord. Ah ouais, d'accord. Et bon. Toi Jean-Mi? J'ai dit, moi. Ouais. Flip 4. Flip 4. Bah, devine. La Grande Vadrouille, non, arrête tes conneries. Bah, non, bah, rien du tout. Bienvenue rien voir du tout. Ah, non, franchement. Bienvenue chez RQC. Après, bienvenue chez les Ch'tis. Non, il n'y a rien qui me. Alors, j'ai vu également le film. j'ai vu le film Alibi.com. Et je me suis marré du début à la fin, franchement. Alibi.com, ouais, Alibi.com. Ah, c'est Philippe Lachaud, celui qui avait fait Babysitting, le 1 et le 2. Ouais. Et franchement, je vous le conseille parce que je me suis poilé. Mais, ouais, mais ça, c'est pas un gage de... Non, d'accord. Toi, c'est vrai que je suis assez bon public. Saucisse party, si. Fallait voir Saucisse party quand même. Sausage party. Mais non, je suis allé... Alors, pour te dire, je suis allé avec ma femme. Ah bah ouais, tu m'étonnes, t'as regardé le film au moins. Ma femme est pas facile du tout pour rigoler. Sans blague. Ah ouais, mais je te jure. Et là, franchement, je l'ai vu en train de se marrer pendant le film. Donc j'ai dit, quand même, c'est qu'ils ont des bons gags. Ouais, mais t'étais nu dans la salle ou je sais pas, ou un truc comme ça, non? Non, même pas, non. Non, la Saint-Valentin était passée. Hein. J'avais laissé mes baskets. Et au fait, dis donc, t'es pas venu à la Saint-Valentin, t'as fait quoi, toi? Moi, j'ai été manger... À la mode brûlée. Ouais, c'est ça. Content? Ah, très content. Ah, voilà. Je te l'avais dit, très bon. Je n'ose même pas imaginer qu'on casse un resto en disant non, c'était dégueulasse. Non, c'est ça. Canon, toi, bah oui, évidemment, t'as Canon, bossé. Canon, il va souhaiter bonsoir aux auditeurs. Parce que... Oui, non, mais t'as bossé aussi. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a un horaire. Ouais, le temps passe très vite, ouais, effectivement. Bon, en tout cas, je vous rappelle. La blague sur la carotte. Ah, la blague sur... Ah bah si, non, si elle est rapide, tu assumes. Si elle est rapide, on... Allez, la carotte. Elle n'est pas rapide, hein. Elle n'est pas rapide. Ah. Bah, amène-toi. Alors, c'est une petite fille qui va voir sa grand-mère et qui dit « Mamie, mamie !» Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille ? « Mon petit copain, il a dit que ma zézette, ça s'appelait un lapidou. » Un lapinou, c'est joli, ma petite fille. Mais attends, tu vas jouer, si tu veux bien, oui. Alors, la petite fille s'en va jouer. J'essaye de faire très vite. Hein. Et elle revient quelques instants après. Elle dit à sa grand-mère, « Mamie, mamie !» Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille ? Est-ce que tu vas voir mon lapinou ? Oh non, ma petite fille, une grand-mère ne regarde pas le lapinou de sa petite fille. « Allez, mamie, allez, le mamie !» Alors, elle est tellement chiante que sa mamie dit, « Montre-moi ton lapinou. » Alors là, la petite fille lève sa jupette, montre son lapinou à la grand-mère, qui la grand-mère dit, « Ah, qu'est-ce qu'il est beau, ton lapinou. Mais attends, tu vas jouer. » La petite fille revient quelques instants après, elle dit à sa grand-mère, « Mamie, est-ce que tu me montres ton lapinou ?»« Ah non, ma petite fille, une grand-mère ne montre pas son lapinou à une petite fille !» Alors elle est chiante, elle revient, « Allez, montre-moi ton lapinou !» La grand-mère est tellement énervée qu'elle dit, « Bon, je te montre mon lapinou, mais on n'en parle plus après. » Donc la grand-mère soulève sa jupe, fait voir son lapinou, et la petite fille qui dit, « Mamie, qu'est-ce qu'il est moche, ton lapinou !» Et la grand-mère, vexée de lui répondre, « Ma petite fille, quand ton lapinou aura mangé autant de carottes que le mien, on en parlera. » Ah, bravo. Joli. C'était pour la Saint-Valentin. Oui, voilà, c'est ça. Bon, allez, on rappelle quand même l'actualité de nos invités, parce qu'il va falloir qu'on se quitte, parce qu'à évidemment à 23h pile, il va y avoir donc les petites scénettes. Donc Alain le chanteur avec le Ch'titour, qui vient de sortir donc son album qui s'intitule donc Soleil des Hauts-de-France. Si vous voulez le retrouver, bah, vous allez sur alainlechanteur.com. Alainchanteur.com. Alainchanteur.com. On a également Jean-Mi, mais Jean-Mi qu'on reverra évidemment. Vous pouvez aussi retrouver sur Internet. Vous tapez sur Facebook, vous avez un site Internet également. Absolument, oui. Donc voilà. Mais on va se prendre rendez-vous hors antenne, oui, pour que tu viennes nous représenter un peu toute ton actualité, parce que Dieu sait qu'elle est aussi très, très large. Canon, je te laisse parler évidemment de l'apéritif repas, puisque toi ça te tient à cœur. Donc l'apéritif repas qui aura lieu donc le 2 avril 2017 dès 11h. Bah voilà, c'est fait. Donc l'apéritif le 2 avril 2017, etc. Il a tout dit. Donc, absolument. Pour la radio. On parlera la prochaine émission. Voilà, ça marche. On va se quitter parce qu'effectivement il nous reste que quelques minutes. Le temps de remercier Sherlock pour les sorties Cinoche et le Rétro Ciné 80. Je vous en prie. Merci à Flipkat pour cette chronique sur Dire Straits. Je vous en prie. Merci à Onissa pour, je sais pas pourquoi en fait, finalement. Bravo, c'est ma bonne humeur. Voilà, pour sa bonne humeur et sa présence. Tous. Merci à... Vraiment de rien. C'était super agréable. J'ai adoré. Merci à Canon qui va nous offrir un verre d'ici quelques minutes. Ouais, c'est ça. Merci à Alain, évidemment, Alain le chanteur que vous retrouvez sur Internet. Eh ben oui, oui, moi c'est toujours un plaisir pour moi de venir chez RQC et je fais pas le faux cul. Eh ben c'est clair. Eh ben par contre, tu mettras ta tête dans le cul juste après, puisqu'on va se faire une photo avec Jean-Mi. Alors Jean-Mi, il se demande quoi là ? On a une tradition aujourd'hui, on fait toujours une photo avec notre tête dans le cul de RQC. Voilà. Ah d'accord. T'as eu peur, hein ? Eh ben écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Ça va, oui. Ah, on pourra en mettre plusieurs des têtes. Tu sais que je suis en train de parler, il a le culot de mettre sa main sur mon truc pour me dire tais-toi. Non, mais non, je nous casse les pieds depuis 20 minutes. Non. Tu vas pas nous répéter encore un peu. Mais pas du tout. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Allez, bonne soirée. On se retrouve. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on a des invités la semaine prochaine ? J'ai un doute. Toi, non. Non, je pense pas. Personne la semaine prochaine. Personne la semaine prochaine, mais je sais que derrière, il va y avoir les Miss Moucron, il va y avoir aussi un spectacle avec Cassandre, hein, c'est ça oui. Voilà, il y aura plein d'autres invités qui seront là. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, sur RQC. Bien sûr, restez à l'écoute d'Hector avec le meilleur de la musique des années 80. Et à 23h, les petites scénettes. Et là, on se quitte avec un titre de Madness, c'est Baggy Trousers. Allez, ciao, ciao. Ciao, bye, salut. Portez-vous bien. Salut, salut. Masters breaking all the rules, having fun and playing pool, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing round the ready rub, trying not to think of when the lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at the time it seemed so bad, trying different ways to make a difference. He's playing football in the park, kicking push bikes off the dog. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to break it up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun!